Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, marche! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG, la radio de John Hayde, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Je suis heureux de vous retrouver comme tous les mercredis ici sur RIG 90.7 sur la bande FM et le www.rigfm.fr. Aujourd'hui, je vais vous proposer une émission, on va dire, assez spéciale, hein, parce que j'ai un invité et en plus ce soir, on va faire une première. J'ai quelqu'un en visioconférence et c'est David Rico qui est avec moi ce soir pour partager cette émission. Salut David. Salut, bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs. Ah ben voilà, c'est bien ça, ça marche pas mal je dirais, hein. On va forcer. Ouais. Oh, je vais lui mettre un peu plus de son. Voyons, je vais te mettre un peu plus de, comme on dit dans la radio, le jargon couille, un peu plus de couille. On va te mettre un peu allez, de basse. Allez, allez, pourquoi pas. Mais bon, c'est ton micro qui fait ça, c'est pour ça. Ouais, c'est certainement mon micro. Comment vas-tu, David? Ben écoute, ça va très bien, tranquille et tout. Heureux de partager cette soirée avec toi et tous les auditeurs de la radio. Donc, ça va être cool. On est là pour passer minimum 2 heures ensemble. C'est déjà ça. Voilà, tu m'as préparé un petit programme, une programmation des titres de Johnny, évidemment. Donc on aura, ben, on va dire, de l'officiel et du non-officiel. Un petit mélange des deux, ouais. Voilà, ouais, mais c'est ça que j'aime, moi. Quand il y a un peu de bootlegs, c'est bien ça, c'est bien. C'est pour leur ouais, dire que idée, ça existe. C'est pour leur dire que ça existe et puis sortez ça des placards. Voilà. Absolument. Ouais, c'est surtout ça, sortez-nous ça, Universal, s'ils nous entendent. Oh, je suppose peut-être que l'émission sera écoutée par Universal, peut-être. Il y en a d'autres émissions. Il y a des émissions qui ont été déjà écoutées par Universal. Donc, ouais. Il faut espérer que celle-ci le soit également. Donc, absolument. David, qui es-tu? Présente-toi auprès de nos auditeurs pour ceux qui ne te connaissent pas et ceux qu'à la guerre qui seraient intéressés pour rejoindre ton groupe, ta page Facebook. Alors, bon, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle David, je suis un fan de 31 ans, fan depuis ma plus tendre enfance, à peu près mes 4 ans. J'ai eu le virus à l'idée par la famille. Je pense que beaucoup de fans ont été, on va dire, contaminés comme ça. Et au fil des années, je me suis un peu plus spécialisé dans la collection de vinyles, coffrets et ces choses-là. Et voilà, enfin, c'est ce qui m'a amené ensuite à créer un groupe Facebook pour rencontrer d'autres fans à peu près comme moi, qui ont la même passion, la même vision des choses. Et ensuite à faire une chaîne YouTube pour présenter des vidéos, faire de la guitare aussi, parce que je fais un petit peu de musique. Mm-hmm. Et c'est l'échange, en fait, le partage, c'est ça qui m'a motivé à faire ces choses-là. Et donc, pour ton groupe, tu as regardé s'il n'y avait pas déjà un groupe qui existait par rapport à la collection, à une collection de Johnny Hallyday? Absolument pas. Non, que tu as fait ça comme pas. Ça en fin, oui, j'ai fait ça comme ça, j'ai dit tiens, parce que j'avais déjà été sur quelques autres groupes, mais pas de collectionneurs, de fans, on va dire, lambda. Et, mais j'y trouvais pas mon compte, en fait. C'était beaucoup de partage, on va dire. Banal, des photos comme ça, ou beaucoup de photomontages, le genre de choses qui ne me plaisaient pas vraiment. Mm-hmm. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, plutôt que de critiquer, parce que la critique est toujours facile, comme on dit, mais elle est difficile, je me suis dit, allez, bah, écoute, lance-toi, t'as rien à perdre, crée un petit groupe, on verra si ça marche. Et au bout d'une semaine, on était une centaine dessus, et maintenant, bah, voilà, ça va faire bientôt 3 ans, on est 1500 sur le groupe. Super. Ce qui, qui est pas mal. Il y a des groupes qui sont beaucoup plus, ou sont beaucoup plus nombreux dessus. Mais on va dire sur le groupe Facebook Génialité Collection, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une base de membres qui est assez actif et qui est vraiment fidèle. En fait, je vois depuis le début, depuis les 3 ans, on a des membres qui sont là, des bons connaisseurs, et c'est vraiment très agréable d'échanger avec eux. Et c'est vraiment pour eux aussi que je continue et que j'essaie de me renouveler sur mon contenu pour pouvoir leur présenter des choses agréable, on va dire. Bien sûr. De toute façon, on va pas tout dévoiler dès le départ, hein. Hein? On a encore beaucoup de choses, mais justement, c'est ta programmation, on va dire, c'est ton émission pour te présenter, puis pour présenter les choses que tu fais pour ce groupe-là. Mais en même temps, tu vas te présenter du genre, tu es fan, donc, depuis Johnny, depuis tout petit, on va dire, parce que tes parents, comme tu m'as dit, t'ont fait écouter Johnny dès ton plus jeune âge. Et en gros, voilà. Est-ce qu'il y aurait un titre qui t'a marqué, que tu aimerais écouter tout de suite, par exemple? Bah justement, l'album qui est sorti quasiment 4 mois jour pour jour après ma naissance. Sur l'album Cadillac, il y a une chanson, je me rappelle quand j'étais petit, qui me restait dans la tête, c'était la chanson « Rien à jeter ». Rien à jeter de Cadillac 1989. Eh bien écoute, si ça te fait plaisir, si ça fait plaisir aux auditeurs, on va l'écouter tout de suite alors. Hein. Ne quittez pas, vous êtes sur RIG et l'émission Johnny de A à Z. Voici Rien à jeter. Mon moteur devient fou quand on le caresse. Alors roule, roule, roule ta caisse. Mon cœur est un moteur mort quand on le laisse. Alors roule, mon cœur est un dieu premier qui roule. Roule, roule, roule ta caisse. On a tout le temps pour vivre la tendresse. Alors roule, roule, roule ta caisse. Pas d'autre occasion, tu prends, tu laisses. Alors roule, mon cœur est du pire seul dans la foule. Oh, oui. Rien à jeter, rien à jeter. L'amour et la vitesse sont mariés. Rien à jeter, rien à jeter. L'amour et la vitesse sont mariés. L'amour vivant, c'est pas la nuit qu'il dort. Alors roule, roule, roule ta caisse. L'amour quand il est mort, c'est la nuit qu'il meurt. Alors roule, mon cœur est une pierre jetée qui roule. L'amour et la vitesse se sont mariés. Rien à jeter, rien à jeter. L'amour et la vitesse se sont mariés. Rien à jeter, Johnny Hallyday sur l'antenne du RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Ce soir, j'ai David avec moi, David Rico, qui vient à présenter l'émission avec moi, mais à distance. On se voit par tablette interposée, ordinateur interposé. Et puis c'est sympa, c'est une première au cœur de l'émission Johnny de A à Z. Et puis donc, c'est une expérience qu'on va refaire, qu'on refera prochainement, bien entendu. Mais déjà, on va finir cette émission avant de passer, de penser aux suivantes. On a écouté donc ta première chanson, en gros, entendue, ou celle qui t'a marqué. Quel est ton premier concert de Johnny Hallyday, alors? Raconte-nous un peu cette fièvre de Johnny. Alors, le premier concert, c'était le Stade de France, 98, le samedi 5 septembre. C'est mon frère qui m'avait offert le billet, avec ses premières payes, s'il commençait à travailler. Il m'avait emmené avec sa 205 Lacoste, ça vous rappelle. Et oui. Je me rappelle qu'à l'extérieur déjà du stade, j'entendais déjà la première partie commencer, mais j'entendais de la musique surtout. Je savais pas que c'était la première partie. Attends, si je m'en souviens, la première partie, il y avait quoi? Il y avait Sinclair et puis FFF. Hein, c'est ça. Tout hein. à fait. Et en fin de compte, c'était la fin de Sinclair. Mais moi, j'entendais juste des bruits de batterie, tu sais, parce que c'est des bruits à l'extérieur d'un stade. T'avais rien loupé, Non, j'avais rien loupé. Mais moi, c'était mon premier concert. J'avais 8 ans et j'entends la musique dehors. Moi, je me dis, il y a Johnny sur scène. Ouais. Donc, je suis un gamin, je commence à rentrer en panique. Je vais manquer Johnny. Et après on est rentré dans le stade et finalement c'était que la première partie, donc ça allait. Et puis après la magie a opéré hein, quand Johnny est arrivé sur scène. T'imagines un enfant, un gosse de 8 ans, t'as ton idole qui arrive comme ça au milieu du stade. Bon, j'étais assez loin parce que j'étais dans les tribunes, donc j'ai plus vu un Playmobil que Johnny. Mais c'était quand même quelque chose et c'est vrai que ça m'a marqué quoi. Ça m'a marqué, c'était un excellent concert, c'est un très très bon concert de Johnny. Et c'est après j'ai pas loupé un seul concert, aucune tournée, j'ai loupé aucune tournée quoi. Après. Et en concert, c'est ton concert préféré, le Stade de France 98? Ou depuis que t'as approfondi un peu la chose, t'en as découvert d'autres, évidemment, peut-être plus à tes goûts musicaux par rapport à 98, ou c'est vraiment celui-ci? Celui-ci est très marquant pour moi parce que c'était le premier, mais celui que je veux dire que je préfère vraiment dans sa continuité, dans sa trame en fait, c'est je pense que c'est le Zine 84. Mm-hmm. Mais pas la version qu'on a eue sur vinyle. Bien sûr, il faut regarder le DVD, mais on en parlera tout à l'heure. Hein, voilà. N'en dis pas plus, on en parlera tout à l'heure. Stade de France, premier concert marquant. Après, il y a d'autres très bons concerts derrière, mais celui que je regarde toujours avec plaisir et toujours autant d'enthousiasme, ça reste le Zine 84. Ah, il est assez atypique celui-là, hein, ce concert-là. Hein, il est assez atypique. Bien sûr, ouais. Et puis après, c'est la durée, c'est les costumes, c'est les chansons. Et puis, dis-toi, moi, quand j'étais gamin, j'avais quoi? J'avais 4-5 ans. Moi, le mercredi, quand j'avais pas à l'école, je regardais des Disney comme tous les gamins. Mais oui. Je demandais à ma mère, je disais à ma mère, maman, on peut regarder Le Survivant ou on peut regarder Point Cœur. Parce que moi, je les appelais comme ça, les concerts. Et quand t'as 5 ans, tu vois Johnny qui arrive dans un point géant, avant d'être un chanteur, pour toi, c'est un super-héros, le mec. Exactement. C'est pour un gamin, c'est énorme de voir ça. Et c'est vrai que ça reste quelque chose de marqué, en fait, de marqué dans mon enfance. Et donc, c'est pour ça que donc, ce concert te tient à cœur également. C'est aussi, ça a été le sujet d'une vidéo que nous parlerons plus tard au cours de cette soirée. Tu sais, c'est... Avec grand plaisir. On fait des teasers pour les garder. Tiens, on va illustrer donc ce Parc des Princes 1998. On va écouter un titre que tu m'as donné. Le Stade de France. Le Stade de France 1998. Avec le titre La Génération Perdue. Pourquoi ce titre? Eh ben parce que déjà c'est une chanson que mon père adore et il écoutait beaucoup à l'époque dans sa Renault 9. Alors, il avait le lecteur cassette et je me rappelle qu'il mettait Renault 9, oh punaise. Oui. Ah bah ouais, bah écoute hein, après il a une Mégane, c'est un peu mieux pour la suite. Mais au début dans sa Renault 9 on écoutait ça, enfin il écoutait beaucoup La Génération Perdue et c'est une chanson qui m'a marqué et puis j'étais content de l'entendre au Stade de France surtout avec cette orchestration. Donc c'est pour ça j'avais envie d'écouter ceci. Eh bien, on y va tout de suite. Johnny Hallyday en live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. La Génération Perdue, Johnny Hallyday au Stade de France en 1998. Il voudrait te voir derrière son nez. toute ta vie. Samedi soir, la sortie est obligatoire et s'arrête au cinéma. Et dans les froids moments de l'incertitude, il y a au plus profond de ta solitude, derrière les murs de l'incompréhension, un espoir rempli de passion. Comme il te viendra, si tu veux, il sera pour toi. Et dans les rues mouillées aux couleurs de l'ennui, et ce chien qui hurle au silence de la nuit, d'un monde résigné. Tes yeux aveuglés par l'enfance trompée s'ouvriront sur la vérité. Ta génération en veut à la terre entière. Tout le long des routes, elle ne trouve que la misère. Mais tes doigts sont en or et sur ta guitare, tu joueras pour sortir du noir. Devant les lumières de la célébrité, tu pourras faire briller le nom que ton père t'a donné. Ton père t'a donné. David Rico est mon invité ce soir dans l'émission Johnny de A à Z sur RIG 90.7 évidemment, et puis aussi le www.rigfm.fr. David, parle-moi un peu plus de ton groupe Johnny Hallyday Collection. Eh bien, c'est un groupe que j'ai créé il y a bientôt 3 ans de mémoire, en juin. J'avais fait ça en 2016 et donc comme je disais, voilà, je trouvais pas mon compte ailleurs, donc je me suis dit je vais faire un groupe pour les collectionneurs. Pour ceux qui ont envie de partager des vinyles rares, des coffrets, parler un peu de la collection, des variantes, des choses comme ça. Et au début, j'ai fait ça un peu comme ça, et j'ai vu que ça prenait bien, les gens, ça leur plaisait. Et en plus, j'ai pu rencontrer des fans super sympas qui m'ont appris énormément de choses, parce que moi, j'ai débarqué là-dedans, on va dire, comme ça, quoi. Je veux dire, j'avais déjà, on va dire, quelques bonnes bases, mais je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Depuis que j'ai créé le groupe, en 3 ans, grâce à toute cette communauté de fans fidèles, j'ai forgé mes connaissances, mais elles ont grandi de plus de 60%. Bien sûr. Grâce à eux. On ne sait pas tout, bien sûr. On ne sait pas tout. Bien sûr. Et ça, je ne fais que le dire. C'est pour ça que dès que je fais une vidéo ou que je donne une info qui ne vient pas de moi, absolument, je dis tout de suite de qui elle vient. Parce que ça, c'est tirer la couverture à soi, ça, c'est quelque chose aussi. J'ai ça en horreur. Donc, puis toujours dire la vérité aussi, ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc, et je pense que c'est ça aussi qui est un peu plus sur le groupe. Le fait qu'il y ait cette authenticité, et c'est ça qui a fait qu'on a forgé un noyau assez fidèle, je pense. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Puis c'est souvent les mêmes qui reviennent et tout ça. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut te proposer dans ton groupe? On va présenter des pièces rares. On va présenter quoi aussi des nouveautés du genre, même si du genre la collection Hachette. Il y en a qui vont présenter les albums qu'ils ont reçus. Oui, voilà, c'est le but pour ceux qui sont restés abonnés. Oui. On y reviendra aussi. Oui, parce que ça fait sujet d'une vidéo, donc on en reparlera également. Mais sinon, après, en gros, tout le monde peut poster tout et n'importe quoi, ou tout le monde a posté. Non, uniquement. Non, voilà. Non, pas tout et n'importe quoi. Non, il y a trois règles simples qui sont, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a plu aux gens. Déjà, on ne parle pas de le côté vie privée de Johnny. Mm-hmm. Déjà, tout ce qui est les histoires, même avant ça, déjà, avant qu'il y ait les histoires d'héritage et oui. toutes ces conneries-là, déjà, de base, on parle de Johnny, le chanteur, l'acteur. Mais pas la vie privée, toutes les affaires de lui, il a dit ça sur lui, lui il a fait un procès machin, ça on s'en poubelle. Voilà, on parle uniquement que de Johnny Hallyday, l'artiste. L'artiste. L'œuvre, l'artiste, et c'est tout. Ensuite, la deuxième règle, c'est essayer d'avoir une orthographe à peu près correcte. Voilà, on n'est pas tous Bernard Pivot, mais pas le langage SMS et des choses comme ça, déjà, ouais. ça, on va dire, c'est un respect pour tout le monde. Et la troisième chose, et ça je m'y tiens, et ça je. C'est les montages photos qu'on pouvait voir dans certains groupes. Le combo tête d'aigle, Johnny Harley, drapeau américain, chapeau de cow-boy et indien. Tous les montages qu'on pouvait voir, ça plaît à beaucoup de fans, tant mieux pour eux. Mais c'était pas du tout le but de ce groupe. Il y a plein d'autres groupes pour ça. Sur ce groupe-là, je voulais uniquement des photos que les fans ont pris de leur collection. Si c'est pour prendre des photos trouvées sur le net, il n'y a aucun intérêt. Exactement. Donc c'est pour montrer leur collection, leurs variantes, les détails que nous on n'a pas vu que eux ils ont vu. C'est vraiment axé sur la collection. Mais n'importe qui peut rentrer sur le groupe évidemment à partir du moment où il est fan et qu'il est respectueux de ces trois règles simples. Mm-hmm. Tout le monde est le bienvenu et au contraire tout le monde. Il y a pas de grands, de petits collectionneurs, de vrais ou de faux fans. Ça c'est un. Oui. Ça, c'est un terme déjà aussi qui m'énerve. On va dire, lui, c'est pas un vrai fan. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ça, ouais. Ça, c'est quelque chose. Il y a des groupes comme ça. J'ai vu la dernière fois, il y a un groupe qui est marqué Johnny Hallyday pour les vrais fans. Et ouais, ça, c'est des intégristes. Voilà, et ça, je ne comprends pas. Mais c'est quelqu'un qui, c'est des gens qui vont à la rigueur tout accepter. Ils vont parler de la vie privée, aussi bien de la vie artistique. Ils vont parler de tout. Voilà, et c'est des trucs que je ne comprends pas non plus. Donc, je suis allé voir comme ça, et puis je dis, non, j'irai jamais là-dessus. On sélectionne. Bah, je suis sur très très peu de groupes de fans de Johnny. Je dois en être sur 4 à grand max en fait. Mm-hmm. Et c'est généralement sur des groupes que des fans ont fait ou sont sur le groupe. Je les ai connus par rapport à ça parce qu'après j'ai vu qu'il y avait un intérêt derrière à y aller sur ces groupes-là parce qu'il y avait des informations qu'on n'avait pas ou il y avait une base de fans intéressante avec qui pouvoir échanger. Bien sûr. Mais sinon, voilà. C'est... Après, il en faut pour tout le monde. Voilà. Exactement. Il en faut pour tout le monde. Donc, moi, j'ai essayé de faire quelque chose qui me correspondait et qui correspondait à une certaine base de fans, on va dire. Mais très bien, justement. Et ça nous plaît. Moi, ça me plaît. Ça me plaît, justement, qu'on puisse parler de collections, de pièces rares, à la rigueur de personnes qui n'auraient pas toute la collection de Johnny ou qui n'auraient pas certaines variantes. C'est toujours intéressant d'avoir ça en photo. Qu'on puisse savoir quoi prendre. Exactement. Savoir vers quoi s'orienter. Est-ce que telle version vaut le coup? Est-ce que, combien je peux acheter, par exemple, je sais pas, moi, le vinyle, ce que je sais, on me le propose à tel prix. Est-ce que c'est, voilà. Est-ce que c'est correct ou pas? Est-ce que ça vaut le coup à ce prix-là? Bien sûr, oui. Voilà. C'est un groupe d'entraide aussi entre fans. Voilà. Et c'est ça qui est très bien. C'est ça qui est très bien. Allez, on va faire une petite pause musicale. On va aller enchaîner deux titres, si ça te dit. Hein? Tu ne sais pas ce que j'ai prévu. Tu ne sais pas. Tu m'as donné les titres, mais tu ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre. On va écouter Johnny Hallyday en 1975, extrait de l'album Interpromise. On va écouter l'histoire de Bobby McGee. Et on retrouvera après Johnny, 20 ans plus tard, donc, à Nîmes. À Nîmes, le 29 novembre 1995, avec Fool for the Blues. Ben oui, un bon petit tipiak. Oui, il est de bonne qualité. Hein. Ah oui. On se retrouve tout de suite, juste après ça. Oui, je n'ai jamais su d'où il venait. Et ce qu'il cherchait, ce garçon triste qui me ressemblait. Ah, on marchait sur les mêmes routes et les mêmes chemins qui vont là d'où personne ne revient. Oui, sur un camion d'orange, c'est là qu'on s'est rencontrés. Il m'a donné la cigarette qui lui restait. Et l'amitié est comme une fleur qui fleurit au hasard. Je le sais maintenant, oui, qu'il est trop tard. Oui, on dormait la nuit dans les champs et les cœurs dans le vent. On mangeait de l'espoir et l'air du temps. Car

Ça, hein, hein, David? Ah, oh là là, ça j'adore, j'adore. Le Johnny comme ça, j'adore. Voilà. Johnny qui gueule, qui se lâche, là, le Johnny animal, celui-là, je l'aime. Et quelques jours avant, il était à Nancy. Mais alors, ça, c'était une autre chose à Nancy. Ouais, c'est autre chose à Nancy. Il était chaud aussi, on va dire. Oui, très chaud, oui, d'une autre façon. D'une autre mais façon. Mais ça reste le Johnny quand même. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, dis-moi, la particularité que tu as en même temps sur ta page Facebook, dans Johnny Hallyday mm-hmm. Collection, ce sont des vidéos. Alors, comment est venu le principe des vidéos? Alors, j'avais déjà, en fait, la chaîne YouTube était déjà là avant groupe. Mais en fait, elle était consacrée à Johnny, mais je faisais de la guitare, je faisais des reprises guitare, des covers, de solos, de nono, de Thierry Boisbriand, de tout ça et tout. Et en fin de compte, après, je me suis mis à partager des bootlegs. Mm-hmm. Je me suis dit, parce que moi, je suis pour le partage, l'échange, parce que on sait que parmi les fans de Johnny, et là, celle-là, je mets des guillemets sur ceux-là, on sait qu'il y a une partie de certains qui se fait un commerce malsain, en fait, avec les pirates, et il y a même certains faussaires qui font des fausses pièces, des faux passes VIP, par exemple. Mm-hmm. Là, je pense à mon ami Fabien, qui m'a dénoncé cette chose-là, avec qui on a fait une vidéo. Mm-hmm. Et donc, voilà, il y en a qui se font un commerce de ça. Enfin, donc, ils vont vendre des concerts enregistrés dans une qualité complètement pourrie. Ils vont vendre ça 80, 100 euros le concert. Et moi, je me suis dit, j'ai eu la chance de les avoir par des membres du groupe Johnny Hallyday Collection qui m'ont offert les bootlegs pour me remercier d'avoir créé le groupe. Donc, déjà, encore merci à eux. Je pense à Eric, à Ludovic, à Fabrice, entre autres. Et donc, du coup, j'ai dit, je vais les partager, moi. J'ai l'ordre de question que je fasse un business là-dessus. Ici, un maximum de fans peuvent avoir ces lives-là. Allez, hop, on va les partager. Et ensuite, après, je me suis mis à faire des vidéos de présentation parce que, en fin de compte, en description photo sur le groupe Facebook, j'arrivais pas à retranscrire toutes les émotions que j'avais envie de retranscrire et tous les détails aussi. Parce que c'est faire un pavé de 60 lignes, 70 lignes, les gens ils vont pas le lire. Oui, tout à fait. Et je me suis dit, je vais tenter le coup. Et on sait combien les gens ne lisent pas aussi. Des fois, il suffit d'y avoir 4 lignes. C'est ça. Les gens ne vont pas le lire. Ils vont pas lire ça, ils vont poser une question. Alors que t'as déjà, en fin de compte, tout expliqué dans le post. Exactement. Et ça, des fois, c'est un peu frustrant. Donc après, je prends quand même le temps de répondre quand même parce que je veux pas non plus rentrer dans la réponse. C'est pas du tout but. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, donc, alors, faire un pavé de 70-80 lignes, c'est très bien que sur les 80 likes qu'on va avoir, il va y avoir 10 qui l'auront lu. Mm-hmm. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos? On va voir ce que ça donne. Et je m'étais fixé un petit objectif au début. Je me suis dit, allez, s'il y a 300 vues sur une vidéo, ça sera déjà quelque chose de bien. Et cet objectif a été de suite doublé, en fait. Ça faisait 600-700, et maintenant, chaque vidéo tourne à peu près au même nombre d'abonnés que j'ai, c'est-à-dire 800, 1000, à peu près 1000 vues, quoi. Mm-hmm. Donc, j'en suis content, et puis ça leur plaît, donc j'ai dit, un feu, hein, on va essayer d'en faire d'autres, et puis on va essayer de faire des choses un peu plus poussées, des petites investigations, par exemple. Exactement, tout à fait. Ça, c'est bien, ces investigations. Il y a des choses à dire, voilà, là-dessus. Ah oui. On va pas dire de suite. Mais sinon, en gros, voilà. Sinon, après, dans tes vidéos, il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent très bien. En gros, la moyenne de vues que tu as sur les vidéos? La moyenne, on va dire, la moyenne basse, ça va être 500 vues. Ouais. Ça, c'est quand le Dido marche. Moi, pour moi, je considère ça cool, en fait. Bien sûr. Le Dido accède uniquement sur Johnny. En plus, on sait bien que les fans de Johnny sont pas trop internet, la plupart. Il y en a peu qui sont vraiment sur les réseaux sociaux. À être vraiment actif, donc faire 500 vues sur un vinyle ou un truc comme ça, c'est cool. Et dire celle qui marche le mieux, celle d'investigation, celle du Zone 84, celle-là, elle a 4000 vues. Celle-là, et pourtant, j'y pensais, j'y croyais pas, je me suis dit, les gens, je leur mets 29 minutes de vidéo où en plus je démonte complètement le live. Oui. Alors je me suis dit, il y a des fans, ils vont me dire, attends, tu tapes sur Johnny. Heureusement, ça va, les gens, ils ont bien compris que c'est pas du tout sur Johnny. C'est ça le truc, c'est ça qu'il faut leur expliquer également, c'est que ce n'est pas envers Johnny. Lui, il est pour rien, lui. Il n'est pour rien. Au contraire, je défends Johnny, je m'insurge contre la direction artistique, en fait, oui. qui nous a pondu une. Voilà. Et qui a complètement détruit ce live que j'adore. Et donc. Moi, je défends Johnny. C'est un grand mot de dire ça. C'est hyper présomptueux de ma part. Mais j'ai voulu faire cette investigation-là pour montrer aussi aux fans qu'on se foutait d'eux et qu'il ne faut pas trop prendre les fans de Johnny pour des cons, quoi. Voilà. En plus, je suis content parce qu'en plus, c'est une vidéo sur laquelle j'ai participé un petit peu. Voilà. J'ai contribué. Ah oui, mais bien sûr. Parce qu'on avait, en fin de compte, ça faisait un moment déjà que ça me trottait, en fait, et que ça nous trottait de manière générale. Et puis, on en avait parlé également sur différents posts auparavant, et donc après, t'as voulu... Déjà auparavant, ça faisait déjà un moment qu'on échangeait, régulièrement sur ça, en se disant, moi, j'écoute pas le CD, moi, j'écoute pas le vinyle, je préfère écouter le DVD parce que ça, c'est un vrai live. Et les gens me disaient, mais comment ça, c'est un vrai live, le vinyle, c'est un vrai live? Non, c'est pas un vrai live. Alors, tentez d'expliquer. Sur un poste, c'est quasi impossible de leur expliquer. C'est ça. Et c'est pour ça qu'après, je me suis à m'entretenir avec toi pour confronter les idées. Est-ce Bien que sûr. Toi, tu arrives aux mêmes conclusions que moi? Bien sûr. Et on est arrivé aux mêmes conclusions. Donc, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire un truc lisible, qui soit pas trop indigeste, pour que les gens puissent comprendre la vidéo et que ça aille jusqu'au bout. Eh bien, en faisant cette vidéo, Eh bien, on va en discuter juste après. On va écouter deux extraits musicaux, ce sera donc de Rock'n'Roll Attitude par Kirk connaît pas. Et puis pour illustrer après, puisqu'on va parler un petit peu du Zénith, on va développer un petit peu la vidéo comme ça oralement. On va écouter Rien à personne, mais ce sera extrait du live du DVD. C'est tiré du DVD. Ouais, le vrai live. Le vrai live, tout à fait. Vous écoutez Rigé et l'émission Johnny de AZ, et ce soir, je suis avec David Rico. Parker connaît pas, c'est le temps qui flambe et qui fait sa loi. Parker, c'était quoi? Un homme simplement avec le génie au bout. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve notre héros à Oh, je vais y aller. Ce soir, j'y arrive. On le retrouve au Zénith en 1984. Et le titre, Rien à personne. Version vraie live. Non, je ne dois rien à personne. Mais je ne méprise personne. Oui, je connais plus que personne. À cette carte, je me cogne. Et je me fous de ce que l'on pense. Mais pour te dire, je m'en balance. Oui, j'ai mes joies et mes souffrances. Chaque jour, j'avance, j'avance. Et par insolence, j'avais resté sur la défense. Oui, chaque jour qui recommence, je manque l'avance, avance. Non, je ne dois rien à personne. C'est la vie qui vous façonne. Oui, comment dire, on vient un homme par les coups qui vous assomment. C'est érigé, l'émission Johnny de A à Z, et ce soir je suis avec David. Dis-moi David, pourquoi ces deux titres-là ? Nous avions Par cœur connaît pas et Rien à personne. Par cœur connaît pas, ça, c'est une chanson en fait que ma mère écoutait énormément quand j'étais petit, et enfin bon, à chaque fois que je l'entends, je revois instantanément ma mère, je me revois à côté d'elle dans le canapé en écoutant cette chanson en boucle. Mm-hmm. C'est une chanson qui fait 3 minutes et quelques, qui à peine, et ma mère l'a repassée des fois 4, 5, 6 fois d'affilée. Quoi. Mm-hmm. Mais moi, ça ne me lassait pas et j'adorais ça. Quoi. Et puis après, rien à personne par rapport à ce fameux concert, mon concert préféré de Johnny, le Zénith 84, ce qui nous amène à cette fameuse vidéo sur la vérité sur le Zénith 84. Alors, en gros, détaille-nous un peu, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, que, évidemment, tu vas les inviter à la regarder. je les invite à voir cette vidéo. Et même, alors, je te permets de mettre sur le groupe Facebook Johnny de A à Z, de mettre le lien de la vidéo. Tu peux le mettre également pour tous ceux qui n'ont pas encore vu. Je le mettrai avec plaisir. Pendant la pause musicale. Pas de problème. Mais, par contre, vous regardez la vidéo après, parce qu'elle dure 29 minutes. Oui. Ah, mais bien sûr, il faut rester après nous. Une fois que l'émission sera terminée vers les 2-3 heures du matin, vous pourrez regarder la vidéo, tout à fait. Faut pas la faire peur. Non, ne vous inquiétez pas. Non. De toute façon, avec Jenny, on n'a jamais peur. On prend que du plaisir, de toute façon. Alors, la genèse de cette vidéo, en fin de compte, elle est venue par rapport à ces fameux deux vinyles qu'on avait. Avec à l'arrière, si on retourne le vinyle, il y a un sigle avec un point rouge et un point blanc, et l'autre avec point rouge et cœur rouge aussi, si je dis pas de bêtises. Et en fin de compte, les gens disaient « le vrai, le faux live ». Et moi, je disais « mais le vrai, le faux live ». Je les ai, ces deux-là, et quand je les écoute, je vois pas de grande différence, moi. Pour moi, c'est la même chose, quoi. C'est la même tambouille. Et puis après, on s'est mis à en parler entre fans, à confronter les versions. Et moi, quelque chose qui m'avait choqué déjà quand j'étais ado, quand j'avais eu le coffret intégral live que mes parents m'avaient offert en 2004, un an après la sortie, j'écoute le double Zine 84, donc du coup de l'intégral live, et je me dis, mais putain, c'est quand même bizarre, ça sonne pas comme sur le DVD. Et Johnny, quand il chante, c'est pas pareil du tout. Là, il y a un truc qui, je sais pas, il manque quelque chose à ça. Alors je l'adore, mais je pouvais pas l'écouter. Donc comme j'avais le DVD, je préférais mettre le DVD, mettre mon casque et écouter le DVD. Et là je retrouve quelque chose là. Mm-hmm. Là, on sent le live, on sent le truc. Mais ça, c'est quand j'étais ado. Et après, là, donc, du coup, comme je disais, sur le groupe, on a commencé à échanger et tout. Après, tous les deux, on s'est mis à se parler, à confronter les versions. Et du coup, j'ai dit, je vais faire une chose simple. Je vais encoder les deux vinyles. Je vais prendre toutes les versions CD qui existent. Je vais toutes les enregistrer. Je vais tout prendre les supports qui existent. Et je vais écouter piste par piste, chanson par chanson. Et je vais voir ce qui se passe. Et là, résultat, c'est que la version audio de ce concert est une pure escroquerie. Alors, on peut rappeler que le premier est sorti juste avant le concert. Le premier volume. Oui, le premier sorti le 24 octobre, si je dis pas de bêtises, et sorti la veille du concert. Donc déjà, les gens, ils allaient au concert, ils pouvaient acheter déjà au merchandising le double 33 tours. Parce que, apparemment, de ce qui se dit, il fallait renflouer un peu les caisses parce que le concert avait coûté très cher. Et que la tournée, et que le séjour au Zénith, elle durait 4 mois. Oui, il devait durer 4 mois, il a duré un peu moins. Oui. Et certains soirs, la salle était aux 2/3 vide. Mmh. Parce que, ce qu'on peut comprendre, au bout d'un moment, de 2 mois et demi de représentation, tous les soirs, des fois, ils faisaient matinée et soirée, les gens, on va dire, un peu, au bout d'un moment, même financièrement, ils peuvent pas suivre. Et donc, ils avaient fait ce système, ce live, pour, on va dire, renflouer un peu les caisses. Et en fin de compte, la première version de ce live, c'est les répétitions, avec un faux public rajouté derrière. Mm-hmm. Et ça s'entend clairement, c'est moche. D'ailleurs, l'un des exemples les plus flagrants dans cet album, c'est la version de Rien à Personne. Oui. Johnny qui invite le public à frapper dans ses mains, personne ne frappe dans ses mains. Personne ne réagit. Mm-hmm. Ouh, on a vu ça. Johnny, il te dit tape dans tes mains, tu tapes dans tes mains. Il te dit lève-toi, tu te lèves. on n'a jamais vu un public qui ne réagit pas aux paroles de l'idole. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose qui marque. Et la deuxième version de ce 33 tours est sortie le 12 novembre, si ma mémoire est bonne. Et c'est ce qui est dit la version vraie live. C'est ça. Mais quand on superpose les pistes, pour quasiment toutes les chansons, ce sont les mêmes. Alors que certaines, par exemple, là, je sais que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs, les deux versions sont exactement les mêmes, sauf qu'ils ont rajouté une phrase parlée de Johnny du live sur la version studio. Mm-hmm. Alors, on dit, c'est quoi cette magouille? Un autre exemple flagrant aussi, qui est incroyable, c'est sur Nashville Blues. On entend Johnny parler à un moment dans la chanson, et on entend sa voix en écho derrière. Qui fait l'onomatopée. Et là, je dis, il est balèze quand même. Il est très là, il a parlé deux fois en même temps. Il était très, très fort. Donc, en fin de compte, les mecs, ils ont fait un montage, un micmac total de ce live et ils l'ont complètement dénaturé. Enfin, pour moi, c'est une escroquerie. On a pris les femmes pour des cons. Pardon. Voilà, pardon de parler comme ça, mais pour moi, c'est le cas. Alors, on va dire que c'est une production en Pierre Villon. Et oui. Et d'ailleurs, en faisant plus de recherches sur toute la période Pierre Villon, on voit que déjà sur le PD Sport 82, il y avait déjà des magouilles aussi. Carte postale d'Alabama, c'est la version du studio. Tout à fait, une belle coquille, oui. Donc ça, on se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il y a que sur la version vrai live, il faut mettre des gros guillemets, il y a que quelques titres qui sont en vrai live. Il y a Entre violence et violon. Mm-hmm. De mémoire, il y a ça, il y a quoi, il y a quelques titres en live, il y en a 4-5, quelque chose comme ça. Et en fin de compte, sur la version de 2003, qui est censée être la vraie version live, on n'a que 5 titres en live. C'est pas possible d'avoir ça. 5 titres en vrai live, dont Ma gueule, Le pénitencier, Le bon temps du rock'n'roll, Le medley et Wolota Shining Iron. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Et en plus, alors là, je reviens un peu sur le vinyle du 33 tours, à quel point ils ont fait une magouille. À la fin du Zénith 84, on entend Johnny dire au revoir aux gens. Il leur dit, vous êtes formidables, merci, bonsoir. Et c'est ce qu'on entend à la fin du Paris des Sports 82. Tout à fait, exactement. Et en plus, ils ont oublié Gabriel. Mmh. Oui, toujours, c'est l'absente. C'est la grande absente. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Je sais que des responsables d'Universal ont vu ma vidéo. Je sais qu'ils ont dit comme quoi que c'était quelque part un scandale. Pas ma vidéo, mais ce qui avait été fait sur ce 33 tours-là, qui ferait peut-être quelque chose, mais que ce n'était pas dans les plans aujourd'hui. Alors, vu que c'est un peu le Zénith, c'est un sujet auquel on parle depuis longtemps, depuis un an, deux ans même, je dirais. À quand un Zénith 84? On l'avait espéré l'an dernier, parce que pour fêter les 35 ans du Zénith, on l'avait espéré. Et en fin de compte, toujours rien. Donc, on va devoir attendre encore 5 ans de plus pour peut-être avoir une nouvelle version. C'est ce qu'il faut se dire. À quoi s'attendent les fans, justement. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Certains que c'est pas du tout dans leur plan, dans leur tuyau. Ils peuvent faire continuer à faire des multiples rééditions un peu inutiles, on va dire. Après, avec des fois quelques petits inédits qui sortent, qui sont sympas quand même. Mais là, à l'heure actuelle, non, ils ont pas envie de nous sortir un beau coffret ou une bonne transcription live de ce concert, parce qu'on sait que plusieurs soirs ont été captés en plus, en très bonne qualité. D'ailleurs, j'en ai posté aussi sur ma chaîne des concerts en prise pro, qui sont vraiment de très très bonne qualité. Exactement, tout à fait. Il y a aussi les concerts de RTL aussi à l'époque. Absolument, absolument. Donc on sait qu'ils ont de la matière, ils ont des choses. C'est vrai qu'on a deux versions pro. Il y en avait une de décembre et l'autre de février. Février. Pour la dernière date, il me semble. Oui, c'est le 2 février. Ouais. Oui, le 2 février. Donc, ils ont quelque chose quand même. Ils ont de la matière. Ils ont de la matière à faire. Ils ont de la matière. Ils vont te dire qu'ils ont perdu les bandes. Comme pour tout. Hein, oui, mais l'une des plus gros. Enfin, en plus, en faisant cette vidéo, là, sur le truc sur lequel je suis tombé, et là, je ne m'y attendais pas, surtout, c'était sur Ne me quitte pas. Oui. Ne me quitte pas. Là, je me suis dit, mais là, attends. Ils n'ont pas osé quand même. Ils n'ont pas osé. En fin de compte, la version de Ne me quitte pas, du 33 tours, et aussi de l'intégrale 2003, hein, parce que c'est la même version qu'on a dessus. Bien sûr. Si on retire le public à l'arrière, ce que j'ai fait dans la vidéo, parce que ça, c'est plus des choses qu'on explique mieux avec de l'audio et de la vidéo que écrire sur un post, j'ai superposé la version donc, du Zénith 84 avec celle qu'on a dans le coffret Johnny Story et celle aussi qu'on avait dans le coffret des 50 plus belles chansons sorties en 2003, avec la fameuse version Ne me quitte pas, live inédite. Studio inédit. C'est la même chanson. En fin de compte, ils ont pris la version des répétitions sans le public ajouté. Alors, on peut rajouter que donc sur les 233 tours du moins, les 233 tours, Ne me quitte pas est en version répétition, et on le retrouve. Il est sorti après le 45 tours avec face A Ne me quitte pas et face B La Garce, et c'est une vraie version live que nous avions de Ne me quitte pas. Mais sur l'un des 33 tours, sur la vraie version des 33 tours, enfin la fausse vraie version, c'est, on s'y perd après au bout d'un moment. Sur la deuxième version du 33 tours, c'est le vrai Ne me quitte pas. On a le vrai Ne me quitte pas. Sur le deuxième? Oui, sur le deuxième. Sur le deuxième, on a le vrai Ne me quitte pas. Oui, parce que j'ai pas. Je l'ai pas numérisé, c'est pour ça. Et c'est là qu'on voit que sur 2003, en fin de compte, ce qu'ils ont fait, la retranscription de 2003, est vraiment nulle. Parce que les versions qu'ils avaient en live, qu'ils avaient déjà éditées avant, ils ne l'ont même pas mises sur cette version-là. Oui, parce que t'as comparé donc les vinyles et après les versions CD, toutes les versions CD qui sont sorties également. Toutes. Donc que ce soit une heure au Zénith, que ce soit en concert au Zénith 84, on avait échangé là-dessus, et c'est vrai qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment incohérents et pour la version de 2003. Ah ouais, la version de 2003, elle a été bâclée au possible. Et encore, et j'avais questionné Jean-François Chenu, je me rappelle, il était étonné, il avait les yeux écarquillés quand je lui ai dit que c'était un faux live, que c'était encore un faux live, la version de 2003. Il ne savait pas. Donc là, c'est là qu'on se dit, Il y en a certains qui travaillent pour Universal ou des choses comme ça, mais ils n'ont pas forcément écouté ce qu'ils nous vendent. C'est ça, c'est ça. Ou qui n'ont pas l'oreille, ils n'ont pas l'oreille du tout. Ils n'ont pas l'oreille, tout simplement. Parce qu'après, je me rappelle qu'il y avait des fans qui me disaient « Ouais, on a voulu modifier la page Wikipédia. » Oui, oui, et oui. Ils se sont oui. fait rembarrer dans tous les sens. Ouais, ouais. Parce que les gens disent « Ouais, votre étude a vaut rien. » Enfin, l'étude que j'avais faite en vidéo ne vaut rien. Ce que je peux entendre, il n'y a pas de souci. Elle vaut rien. Mais bon, si on a un temps soit peu d'oreille et de bonne foi, on entend très bien qu'on s'est fait berner. Exactement. Mais dans le collectif, non, c'est un vrai live. On ne peut pas en démordre. Alors que les gens qui auront la curiosité et qui auront une demi-heure devant eux, ils regarderont la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Bien sûr. Et ils se feront leur opinion et qui verront. On les invite à regarder ta vidéo qu'on va poster dans, tu posteras dans quelques secondes à la rigueur, parce qu'on va, on va diffuser à nos auditeurs et auditrices, un morceau qui n'existe pas, enfin, moi, qui ne figure pas sur la version de 2003, ni sur la version d'origine, c'est la version de Gabriel qu'on ne retrouve uniquement que sur le DVD. On est parti, David? On écoute ça. Allez, on est parti. Avec plaisir. Avec plaisir. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live, vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z. J'espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie avec David et moi. Et on écoute tout de suite Johnny au Zénith. Gabriel, vous ne la retrouvez uniquement que sur le DVD du Zénith 1984. Hallyday by Hallyday. On va mal la musique. On me donne l'obscurité et la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. On m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie enfin. On me donne la peine que j'aime dormir. On me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme maintenant pour rêver à des femmes. J'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère, pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. Sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Ce soir, je suis avec David Rico du groupe Facebook Johnny Hallyday Collection. Et tu veux rajouter autre chose, parce que fais ta pub, mais vas-y, mais profite. Tu as millions d'auditeurs, tu es écouté, tu peux être écouté all over the world. Si les gens veulent rejoindre le groupe, c'est avec grand plaisir. La seule condition, c'est d'être fan de Johnny et puis de se respecter les uns les autres. Tout le monde est les bienvenus, voilà, c'est... S'ils veulent venir, c'est avec grand plaisir. S'ils veulent rejoindre aussi la communauté de fans qu'il y a sur la chaîne YouTube, c'est avec grand plaisir. Plus on sera nombreux et plus on sera motivés à faire des belles vidéos, parce que je suis pas seul aussi à faire des vidéos. Il y a mon ami Fabien qui en fait de temps en temps avec moi. Bien sûr. Tu pourras parler des personnes qui ont collaboré avec toi sur toutes les différentes vidéos, bien sûr. Bien sûr. Alors, combien de temps il faut mettre pour, déjà, faut avoir les idées de vidéos. Et après, ouais. il faut avoir aussi le temps de le faire. Alors, qu'est-ce qui te donne cette inspiration pour tes vidéos? Il y en a certaines, des fois, je les réfléchis assez longuement en avance. Quand je suis sur la route, je réfléchis à ce que je pourrais dire, à comment je pourrais présenter la chose, des choses à ne pas dire, pour essayer d'intéresser les gens. Et il y en a d'autres, en fait, ça va venir spontanément. Je vais balayer du regard un peu ma collection. Et d'un coup, je vais voir un coffret et je dis, tiens, celui-là, j'en ai pas parlé. Mm-hmm. Allez, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Et là, c'est parti. Je mets la caméra en route, je mets le micro en route. J'enregistre. Après, je fais un montage. Des fois, alors, ça va être aléatoire. Il y a des vidéos, je vais mettre une heure et demie à la faire, de A à Z. Mmh. Une vidéo qui fait 10 minutes, un quart d'heure. Et il y en a d'autres, par exemple, comme celle du Zenith 84, qui m'a pris en heure, je sais pas, mais ça m'a pris une semaine. Une semaine toujours pendant deux heures facile, après à réécouter, refaire. C'est ça. Il y a de la préparation. Déjà, avant tout, il y a de la préparation. Et après, il y a un petit montage à faire parce que c'est les tableaux, hein. Ce sont les tableaux que tu as mis sur cette vidéo. Des extraits également, des extraits vidéo également de concert. Déjà, encoder tous les vinyles, ça prend du temps. Ensuite, faire les montages, les superpositions, des choses comme ça. Regarder si on n'a pas dit de bêtises parce que éviter de donner de fausses informations ou quoi que ce soit, parce que ça m'arrive, hein, comme la dernière fois, les vidéos que j'ai faites sur les impacts. Mm-hmm. J'ai donné les dates que j'avais trouvées de ci, de là sur Internet. Pour moi, j'étais sûr que certains disques étaient sortis à telle date. Et après, il y a un fan de Claude François. Alors, c'est ça qui est sympa aussi. C'est un fan de Claude François qui regarde mes vidéos. Tout ça. Voilà, donc c'est ça qui est marrant, c'est un fan de Claude François qui est militaire, qui aimait mes vidéos. Il dit, imagine, je suis pas fan de Johnny, mais bon, il m'a quand même montré sa collection de Johnny. Il a tous les albums. Okay. Je suis pas fan de Johnny, mais il a tous les albums. J'ai dit, bon, ok, pourquoi pas. Donc il a dit, ouais, non, je te certifie que tel vinyle est sorti en 74 parce que ça, et le mec est super calé. Voilà, donc après, j'ai fait une vidéo explicative. Donc voilà, je dis bien que j'ai dit une bêtise. Pourquoi que. Même avec le travail de recherche en amont, qui des fois peut prendre beaucoup de temps, chercher les photos, chercher des choses comme ça et tout. Malheureusement, des fois, ça m'arrive de dire quelques petites coquilles. Bien sûr. Derrière, j'essaie de rectifier le tir, de dire que j'ai dit une connerie. Et voilà. De toute façon, après, ça va, les gens, pour l'instant, il n'y a personne qui m'est tombé dessus violemment, on va dire. Même si pourtant, j'ai fait quelques vidéos où je sais que sur des forums, il y a des gens qui n'ont pas du tout apprécié ce que j'avais dit ou fait. Parce que on sait, ça m'a été répété derrière. Quelle vidéo par exemple? Parce que ça me fait penser par rapport à Gang, là, tu as diffusé l'envie. Oui. Et par rapport à la collection Hachette, collection qui sort actuellement chez les marchands de journaux. Hein. Oui, bon, on va en parler justement, on en parle maintenant, vas-y, on va développer ça. Ah oui, déjà quand ils avaient annoncé déjà c'est l'année dernière, ils avaient fait un test de collection, ils avaient sorti 4 numéros et à savoir si ça allait prendre ou pas. Et quand ils ont sorti la pub l'année dernière, fin octobre, il me semble, début novembre, pour dire pourquoi ça va apparaître fin décembre, mm-hmm. et qu'ils mettaient une certaine liste de vinyles, selon la liste de vinyles qu'ils mettaient, on pouvait s'attendre à avoir des inédits. Bien sûr. Par rapport au fait qu'on voyait la Tour Eiffel 2000. Mm-hmm. Et on s'est dit, oh, la Tour Eiffel 2000 n'est jamais sortie en vinyle, ils ont peut-être des exclusivités finalement. Donc on se dit, waouh, qu'est-ce qu'ils ont? Et puis finalement, en fouillant de ci, de là, en voyant les gens qui disaient, non, mais il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça et tout, moi je me suis dit, bon, je vais appeler à chaque collection et je vais voir ce qu'ils me disent. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré la conversation. Parce que je me suis dit, là, ça sera, les gens, ils vont plus facilement croire ce que je dis que plutôt si je leur en dis, ils m'ont dit ça. Ouais, mais t'as une preuve. Là, j'en avais une, c'est la conversation. Et la dame m'a très gentiment dit qu'il n'y aurait aucune exclusivité dans leur collection. Aucun inédit, aucun live ne sera intégral, parce que si, en fin de compte, c'est simple. Si Universal ne l'a pas fait avant, eux ne le feront pas. Tout à fait. Et je leur ai demandé, mais si vous avez la Tour Eiffel, elle me dit, mais ça, c'est parce que la Tour Eiffel est prévue. La Tour Eiffel sortira avant la fin de la collection Hachette. Donc, ils peuvent le prévoir dans leur collection. D'ailleurs, c'est le dernier numéro pour eux. Oui, c'est ça, c'est le numéro 74, tout à fait. Et donc, si ils ne sortent pas de titre de d'album que Universal n'a pas sorti auparavant, s'il n'y a aucune exclusivité de leur part, donc on peut s'attendre prochainement, donc on en déduit, hein, on en a déduit que que ça va sortir prochainement, sous deux ans ça va sortir. Donc on se dit que cette année c'est 2020, on va fêter les 20 ans de la Tour Eiffel, donc est-ce qu'on aura peut-être un coffret avec, je sais pas, le 33 tours, les duos du parc de Sceaux, quelque chose comme ça, par exemple. C'est pas impossible, du coup c'est envisageable, vu ce que la dame m'a dit. Mm-hmm. C'est si on est un peu du jeu, on se dit ça va sortir avant la fin de la collection. Voilà, comme tu dis, on fait les 20 ans, c'est un peu logique. Et donc du coup, ceux qui s'attendaient à avoir la Seagull 94, Destination Vegas, Las Vegas, Laura Datour, désolé de vous le dire les amis, mais vous n'aurez rien de tout ça. Vous n'aurez rien. On n'aura rien. Et après, c'est toi qui as fait une belle découverte derrière. Je te laisse annoncer. Hein, je te laisse annoncer. En fin de compte, après, donc ça, c'était la deuxième vidéo que j'avais faite, c'était sur la collection Asphalt. Oui. C'était par rapport aux sorties qui finalement n'avaient pas. Il n'y aurait pas d'exclusivité, donc du coup, il n'y avait aucun intérêt, en fait. Enfin, l'intérêt, c'est pour quelqu'un qui n'a rien de Johnny, qui n'a pas de vinyle. Exactement. S'il veut la faire, là, il se fait une collection de A à Z. Là, on fait appel au grand public. C'est vraiment le grand public. C'est pas forcément les fans. Enfin, voilà, on fait appel à tout le monde. Un grand public fan, quand même. Un grand public fan. Grand public, ça veut dire c'est des admirateurs, c'est des personnes qui aiment Johnny Hallyday. Mais sans plus, mais quelqu'un qui voudrait se faire une petite collection, qui ne veut pas forcément les originaux et tout ça, il a une collection en gros à portée de main. Il aura deux numéros par quinzaine, donc il est tranquille. Il est tranquille. Bon, par contre, ça revient cher. Voilà, ça revient cher. Il faut se dire que ça revient cher encore. Ah, ça revient super cher. Mais les fans, comme il y a par exemple sur le groupe Facebook que j'ai créé, voilà, c'est les mecs, ils ont déjà quasiment tout. Bien sûr. Ils ont tout, et des fois, ils ont 4, 5, 6 exemplaires du même. C'est par les variantes, après celui qui est emballé, celui qui n'est pas emballé, celui qui. Enfin, c'est. L'imprimeur, c'est tout ça, voilà, il y a tout ça. Y a tout ça. Et donc, toi, ce que tu as fait, c'est que tu l'as pris, ce vinyle, le premier. Je l'ai pris. Mais oui, j'étais la curiosité, tu vois. Voilà, ça. Curiosité. Et même toi, après, j'étais lancé dans ton investigation, t'as dû l'acheter également. Ah oui, mais après, j'étais obligé. Parce que toi, tu l'as acheté. Enfin, bon, ce que t'as fait, voilà, t'as comparé le son du vinyle Hachette. Voilà, j'avais comparé la version 2010, la fameuse version vinyle Hachette, c'est une réédition de 2017. Et encore, la version 2017, c'est un double vinyle. Là, ils en ont fait qu'un seul vinyle. Et j'ai comparé avec la version de 86, l'original. Et donc, on voit très bien, comme tu l'as pu la montrer dans la vidéo, comme tu as pu voir avec d'autres... Après, tu as voulu faire le test avec d'autres vinyles qui étaient sortis en 2017 avec les originaux. C'est qu'on voit que le son a été retravaillé, compressé. C'est énorme. C'est-à-dire que j'ai pu voir sur d'autres sites qu'on ne m'aura pas, hein, parce que... C'est pas une question, parce que donc ils nous ont jeté des tomates. Ah non, ils n'ont même pas compris le but de notre manœuvre. C'est ça. On s'est fait un petit peu lyncher, en quelque sorte. C'est qu'ils nous disent, mais les gars, la version qu'ils ont faite, Hachette, elle est très bonne. Et ils ont dit, mais punaise, mais vous avez de la merde dans les oreilles. Excusez-moi le terme, hein, mes chers auditeurs. C'est ça, ou alors ils ont du matériel de très, très mauvaise qualité. Ou sinon, ils ont une mauvaise qualité. Donc, ils ne peuvent pas entendre cette différence. Voilà. Et après, on a fait des spectres, hein. C'est-à-dire, on l'a rentré sur ordinateur et tout ça. Mais c'est ce qui est parlant de suite. Non compressé, parce qu'on son wave, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un non compressé. C'est un son, on va dire, normal. On peut comparer les deux versions. On voit très bien qu'il y a une nette compression sur la version de Hachette. Et donc, qui rend un disque, pour moi, merdique, en quelque sorte. C'est de la merde. Et, ce disque-là, il est rangé. Et je ne le ressortirai pas. Voilà, mais moi, pareil, il est rangé. J'ai mis les prospectus avec dedans dans la pochette et il est rangé. Et là où ça m'énerve, en fait, et là où, voilà, c'est, on va dire, c'est pas mon devoir de vérité, j'ai aucun devoir de vérité, mais c'est juste que quand tu reçois la lettre, parce que moi, je m'étais abonné à la base. Oui. Je me suis désabonné. Tout à fait. Et quand tu reçois la lettre, là, j'ai sous les yeux. Je te la montre à la caméra, mais il n'y a pas qui peut la voir. Ils disent dedans, redécouvrez la puissance et l'énergie des chansons de Johnny avec une qualité sonore inégalable et retrouvez un plaisir d'écoute exceptionnel grâce à la chaleur incomparable du support vinyle. Sauf qu'ils ont gravé un putain de MP3 sur leur galette. C'est ça, mais ça, tu pourras la photographier et la mettre directement sur le poste. Les gens, ils vont balancer 1800 euros, ils vont balancer 20 euros par vinyle pour avoir un fascicule qu'on connaît déjà. Enfin, après, celui-là, comment on dit celui-là qui n'a pas, il va découvrir des choses dans les fascicules. Bien sûr. C'est vraiment les informations lambda qu'on peut trouver par rapport à un album. Et voilà, ils vont balancer 20 balles, alors que vous allez en convention, vous allez sur les puces ou sur Internet, et vous allez trouver les originaux avec une meilleure qualité, des sous-pochettes aussi de meilleure qualité, parce que là, dans la collection Hachette, c'est des sous-pochettes blanches. Blanches. Minables, qui rayent les vinyles. Exactement. Elles sont mal découpées, elles abîment le vinyle, c'est une catastrophe. Ah ben alors que si vous prenez rien que l'original de Gang, vous avez une sous-pochette avec Johnny imprimé dessus, avec les paroles et tout, et vous allez le payer 10 balles. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc. Donc voilà. Moi, je me suis désabonné de suite. Mais moi, je ne me suis pas abonné du tout. Moi, c'était pour voir un peu. Je dis, je fais un test avec le premier numéro et à la rigueur, si c'est intéressant, peut-être que j'irai. Mais en fin de compte, je ne suis pas. Mais tu étais tenté de prendre le derrière l'amour pour voir s'ils avaient continué de faire les erreurs. Ouais, mais ça, c'était l'esprit, c'était l'investigateur hein, qui parlait là. C'était ça. J'ai dit, tiens, je vais aller l'acheter. Et après, tu m'as dit, non, il n'y a pas. Dans le commerce, chez le buraliste, il n'y a pas le 3 offert. Je dis, merde, donc j'y vais pas du tout. Et puis, on le voit très bien que c'est la version 2014 qui est sorti. C'est la version 2014. Oui, il y a les versions complètes. J'ai vu qu'il y avait les versions complètes. J'ai vu ça sur d'autres postes. Donc, c'est la version de 2014. C'est sorti en 2014. 16. Bon. Je ne sais plus les dates. Je suis perdu avec les dates. Pourtant, je suis très fort. Oui, évidemment, tu perds un peu les pédales. Et tiens, on va faire une petite pause musicale. On parle de 1976, justement, de l'album Derrière l'amour. Et si on écoutait un autre album de 1976? Hamlet avec l'orgie. C'est un titre. Ben oui, oui, ben oui, mais c'est toi qui l'as choisi le titre. Alors donc, je le diffuse. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. C'est David qui fait la programmation de cette émission ce soir. C'est normal, c'est son émission. Et bien sûr, tiens, qui vous propose Johnny Hallyday à Bercy en l'an 2006 et le titre Rivière ouvre ton lit. Yeah. je te connais. Tu es très belle, tu es comme une femme. Allez, je te connais. Moi, tu es très douce, mais sans cœur et sans âme. En toi, tout est le ciel en toi. On t'en lave comme un entier idiot. Et puis, trop tard, on s'aperçoit qu'on s'est noyé pour un reflet dans l'eau. Je sais combien de fous dans leur douleur t'ont choisi pour maîtresse. Je sais combien d'amour dans le mien se lance dans une messe. Tous. Non, tu n'es rien qu'une fille de mauvaise vie. Et ce soir, je veux coucher entre tes bras. Peu m'importe le prix. Dans ta bouche, je veux laver mon corps. Je veux toucher le fond de mon malheur. Je veux toucher le fond de ton corps. C'est bien Bercy 2006, hein. On précise bien. On a voulu faire une alternative, justement, une variante que d'écouter chaque fois la version donc du Palais des Sports en 2006. Et justement, c'est un thème que tu aimerais développer, justement, le Flashback Tour, les différentes sorties. Justement, c'est un sujet de vidéo qui est en préparation, c'est de décortiquer les multiples versions qui sont sorties. Parce que là, on peut dire que Warner, ils se sont fait plaisir, ils venaient de récupérer le poulain à l'idée dans leur écurie. Et du coup, c'est la première référence qu'ils ont sortie Warner sur Johnny. Donc là, tout de suite, ils se sont fait plaisir. Là, ils ont fait éclater les versions. Là. Ah, il fallait rentabiliser aussi, hein, c'est sûr. Hein. Ah, fallait rentabiliser. Et là, c'est vrai que le nombre de versions qui sont sorties sur ce concert, du coup, je pense toutes les posséder. Mm-hmm. Je vais faire une vidéo où je vais montrer un peu tout ça, parce que là aussi, il y a un petit peu à redire et à voir, quoi. Bien c'est sûr. Ça. Et alors donc, t'as des sujets que tu aimerais développer encore ou tu le fais pas encore parce que c'est un manque de temps Là, il y a des sujets. Ce que tu peux dévoiler. Au moins, tu peux dire ce que tu veux dévoiler parce qu'il y a des choses que tu veux peu. Tu peux garder encore secret. C'est comme Universal quand j'interroge Universal ou Jean-François Chenu, on me dit des choses qu'on me dit pas, hein, parce qu'on me dit il faut garder. On garde ça secret encore. Hein, c'est. Ah bah oui, mais eux, ils travaillent pour Universal. Moi, quand j'ai dit, je travaille pas pour Universal. On n'a aucun intérêt, nous, hein. Non, si, il y en a qui ont cru que je travaillais pour Universal. Oui, c'est vrai. Et, ben, non, pas du tout, non. Loin de là. Donc, non, moi, j'ai absolument rien à cacher. Là, en ce moment, on fait des vidéos en collaboration avec mon ami Fabien sur les programmes concerts. Mm-hmm. Là, il en a présenté un beau, là, magnifique, là. D'ailleurs, je le remercie encore, là, sur le Palais des Sports 67 et puis la tournée 68 et la tournée allemande. Hein. Moi, j'ai fait le montage vidéo et les incrustations. Lui, oui. Il a fait tous les plans vidéo. Il a tout, il a tout bien décortiqué, tout bien expliqué. Et il en a d'autres en préparation qui va nous dévoiler. Là, le prochain, ça sera sur les années 70. On ne dit pas encore la date, mais ça fera une petite surprise pour les gens. Sur moi, de mon côté, oui, le Palais des Sports 2006, toutes les multiples versions sorties. J'ai ça en préparation et puis l'intégrale 2003. Je pense que je vais faire une vidéo dessus. Mm-hmm. Ça m'a été réclamé par des fans. Ils voulaient voir la chose parce que il y en a qui l'ont mais qui l'ont jamais déballé. Alors ils veulent voir à quoi ça ressemble dedans en profondeur. Donc je vais faire ça. Et je voulais peut-être m'attaquer à l'intégrale single, mais là faut vraiment du temps hein, parce que là il y a 276 CD. C'est ça. Je t'avais déjà posé la question. Est-ce que tu fais une vidéo là-dessus sur la tour? Mais oui, c'est pense, long. Oui. Et après, j'en ai deux autres en préparation là que je pense faire assez rapidement. Ça sera sur le coffret Destination Vegas. Oui. Et le coffret Laura Latour qui est sorti. Voilà. Je pense sur ces deux coffrets-là. Je pense que voilà, c'est ce que j'en peux. Après, je prépare pas trop à l'avance parce que si je fais les vidéos à l'avance, après, j'ai plus envie de les diffuser en fait. Mm-hmm. Parce que je me rends compte que j'aurais pas dû dire ça comme ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça, oui. Et du coup la vidéo ne plaît plus et tu réfléchis trop. Et j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Donc en fait, je fais une vidéo et je la poste. Hein? Parce que si j'en fais 3-4 d'avance, en fin de compte, j'en poste qu'une et les 3 autres, je les supprime. Bien sûr. C'est comme moi, voilà. Hein, pour une émission, c'est pareil. Je ne fais plus aucune émission en avance. Sinon, voilà. Quand je présente une émission le mercredi soir, c'est que c'est un sujet qui va m'exciter, ou du moins qui va, je vais avoir de l'entrain pour la présenter. Voilà. Mais si c'est un truc qui est préparé depuis déjà 2-3 mois, non, il n'y a plus d'intérêt dessus. Parce qu'on est un peu éloigné du sujet également. Et puis, tout ce qu'on veut dire, toutes les recherches qu'on a pu faire, eh bien, au fur et à mesure du temps, on les oublie. On les oublie. Et c'est ça. Donc ouais, c'est toujours bien d'être un peu dans le feu de l'action, dans l'entrain du moment, et puis voilà, comme ça, au moins, on est dedans quand on le fait, quoi. Enfin, c'est pas, sinon, ouais, comme tu dis, la flamme s'éteint un peu, et après, ça perd un peu de son intérêt, et de son attrait. Tu voulais rajouter quelque chose sur la collection Hachette? Oui, parce qu'au final, ils annoncent 74 numéros, et quand j'ai fait un calcul sommaire, en fin de compte, des albums sortis studio et des 25 cm qui seront intégrés à cette collection, mais au format 33 tours, et des lives qu'ils vont faire. Moi, j'arrive à un compte de 71 disques. Alors, ils en annoncent 74. Alors, je me trompe peut-être dans mon calcul, mais je crois pas. Et du coup, on peut imaginer que ces 3 disques manquants seraient des compilations, en fait, pour faire les fameux, les 45 tours qui étaient sortis à l'époque, un peu comme pour la collection Paper Sleeve. Il y a aussi des best-of. Il y a aussi des best-of qui étaient sortis. Il y a des best-of 60, 70, 80 qui étaient sortis il y a 2 ans. Il y avait 3 collections. Peut-être que ceux-là vont ressortir justement dans cette collection-là. Mais c'est pas impossible. Je n'y avais pas pensé avant que tu me le dises à l'instant, mais c'est pas impossible du tout. C'est pas impossible. Et pourtant, on les trouve toujours dans les commerces et en plus à des prix encore moins chers que ce que devrait proposer Hachette. Donc, tout à fait. Mais comme derrière les mots. Dans la collection Hachette, ouais. Ou comme Gang. C'est ça. C'est des rééditions qui ont été faites il y a moins de 5 ans, pour la plupart. Donc, Non, j'avais pas testé la qualité. Hein. Donc, à moins qu'on ait des auditeurs qui veuillent bien faire le test pour nous, mais. Alors, on peut pas tout faire parce que ça prend beaucoup de temps si je devais. tester la qualité de tous les clips que j'ai. Et puis même là, pour moi, c'est mettre de l'argent pour rien, justement. On n'est pas prêt à avoir toutes les variantes, justement, ou toutes les rééditions. Non, non. Il faut s'arrêter à un certain point. Mais il y en a qui le font, et puis tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Et ceux qui font la collection Hachette et qui vont dépenser 1800 euros et qui ont déjà la collection en vinyle, s'ils n'ont pas une bonne platine et une bonne sonorisation, je leur conseillerais plutôt pour un peu moins cher de 1800 euros d'investir dans une très bonne platine et un très bon système de sono. Et là, ils redécouvriront leur collection. Ah oui, ah oui, oui. Et ils verront qu'ils n'ont pas besoin de racheter des vinyles de piètre qualité. C'est ce que je conseille également, justement. Hein, c'est de... On a des vinyles, ok, mais il faut les écouter sur un bon système hi-fi, haute fidélité, et il faut l'écouter là-dessus. Ça, c'est sûr. Ah oui, oui. Tout à et fait. Non pas sur des petites platines qui valent 80 ou 99 euros. Hein. Non, non, on va éviter. Ah oui, on va fait. Éviter. Sinon, vous ne verrez aucune différence. Et puis, déjà, les appareils qui. Et qui encore, vous... qui, ils vont les abîmer, les disques. Déjà, ça va les abîmer, déjà, tout à fait. Et puis, de toute façon, déjà, on se pose la question. Un appareil à 80 balles qui fait lecteur CD, Bluetooth, radio, vinyle. Il manque plus que le café, le truc. Ouais, genre, c'est... Donc, non, c'est, ça peut pas être de la qualité. Ah oui, le porte-copie. Une bonne tête de lecture, ça vaut 150 ou 180 euros, une bonne tête de lecture platine. Ouais. Donc, voilà, c'est normal que certaines personnes ne puissent pas voir la différence. Après, tout le monde n'a pas les moyens de mettre 300 euros dans une platine. Ça, j'entends bien. Ça peut se monter petit à petit. Hein. De toute façon, il faut se dire que peut-être tout ne se fait pas en un jour. Comme moi, c'est mon cas aussi. J'ai monté ma chaîne au fur et à mesure. J'ai changé un élément pour un autre élément, mais tout se fait petit à petit. C'est un peu comme une collection de Johnny Hallyday. Hein. Tout à fait. On n'a pas tout en même temps et tout au même moment. Ah mais on commence pas la collection Hallyday par le velours de 65, par exemple. Non, non. Voilà. On commence pas une collection de vinyle en mettant 400 balles dans un vinyle. C'est pas comme ça que ça commence. Ah non. C'est pareil pour ça. Est-ce qu'il y a des vidéos que tu aimerais un peu discuter, des vidéos qui te tiennent à cœur, comme du genre, tu nous as parlé donc des programmes concerts, et aussi il y a les passes, aussi les passes de concerts. Tout à fait, ça fait partie des vidéos qui me tiennent à cœur, parce que justement, c'est une initiative encore de Fabien, mm-hmm. qui est venu me contacter, qui m'a dit « j'ai vu tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais ». Et je voulais parler d'un sujet avec toi. Il m'a dit, voilà, c'est qu'en ce moment, sur Internet, et depuis déjà un bon moment, il y a des personnes qui font des faux passes VIP et qui les vendent une fortune. Et malheureusement, ça se vend. Il y a des gens qui sont escroqués. Et j'aimerais, par ton intermédiaire, parler de ça et en fin de compte, révéler ça aux gens pour qu'ils puissent s'armer, avoir les bons outils pour pouvoir déceler le vrai du faux sur les passes VIP et compagnie. Et j'ai trouvé son initiative vraiment noble. J'ai dit, bah, écoute, banco, quoi, avec plaisir. On a échangé au téléphone pendant un bon moment quand même, que je puisse comprendre la bien chose. Bien sûr, bien sûr. Parce que quelqu'un qui arrive comme ça, qui dit ça c'est faux, il faut bien quand même qu'il amène des preuves et des choses comme ça. Mm-hmm. Mais bon, tout était détaillé, tout était bien expliqué. Donc les preuves étaient là. Et puis après, parce qu'on sait d'où vient les faux passes, on sait qui les fait. C'est ça le pire, c'est que comme dit Fabien, on est obligé de protéger les faussaires. Parce qu'on ne peut pas divulguer les noms, on ne peut et pas là. Faire ces choses-là. Mais après, en parlant avec d'autres fans, on voit que le nom, il y a une corrélation partout. Tout le monde connaît cette personne et tout le monde s'est fait escroquer au moins une fois par cette personne. Mm-hmm. Et c'est ça qui est fou, c'est qui est hyper frustrant. On ne peut pas divulguer la chose comme ça. Et donc, on a fait deux vidéos sur les passes VIP, donc sur les passes du Resté Vivant, du Band Rocker Tour, en montrant bien ce que les personnes vendaient sur eBay ou Le Bon Coin et ce qui existait vraiment. Et on a donné les outils nécessaires aux personnes, c'est-à-dire faire les recherches sur les making-of de vidéos, faire les recherches sur les comptes Twitter des musiciens, parce que les musiciens, forcément, qu'ils ont des vraies passes sur eux, ils vont pas avoir des faux. Faire des recherches sur les ventes aux enchères, parce que ce qui se vend dans les ventes aux enchères, c'est des choses qui sont certifiées. Les commissaires-priseurs ne vont pas vendre des faux. C'est-à-dire les mecs, ils mettent leur carrière et leur réputation en jeu. Donc ça, c'est des outils qu'on peut avoir pour s'aider, pour pouvoir ne pas acheter des faux passes et des choses comme ça. Mais malgré tout, à l'heure actuelle, là, j'en ai vu encore peut-être il y a deux jours sur eBay, les faux passes sont toujours sur eBay et malheureusement, on ne peut rien faire pour ça. Quoi. Mmh. Si ce n'est armer les gens et divulguer l'info en leur disant que ça ne ressemble pas à ça et ce n'est pas du tout ça. Quoi. Donc Fabien a fait deux, trois belles vidéos sur les passes Et ça a bien plu aux gens quand même, ça a bien plu et on a eu des retours assez positifs aussi sur ces trois vidéos-là. Oui, parce que les collections ne s'arrêtent pas uniquement qu'au vinyle, qu'aux 33 tours, bien 45 sûr. Tours, ça s'arrête aussi en passant par les passes, par les programmes de concerts. Bon, il y a différents types de collectionneurs. Ouais. Il y a différents types de collectionneurs. Il y a on va dire, il y a le collectionneur, le hardcore, qui va collectionner tout. Mmh. Ça va de la fève, de la galette des rois, aux chaussons à l'idée, oui. Aux collecteurs. À la couette, le mug, l'horloge. Le mug et compagnie. Mmh. Voilà, c'est une chose que je collectionne pas, moi, qui m'intéresse pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Et ça va jusqu'au au master disque qui a servi de pression pour le disque Salut les copains, 5000 euros. Il y a le mec qui va tout collectionner. Ouais. Il y a celui qui va se spécialiser dans les cassettes vidéo, mmh. même si c'est un peu plus rare. Il y a celui qui va se spécialiser dans les vinyles, ça c'est ce qui est plus répandu. Ouais. Les CD, les coffrets, voilà, c'est. Il y a plusieurs types de collectionneurs. Et il y a des gens, un peu comme Fabien et toute personne, qui adorent les passes, mm-hmm. parce que c'est l'histoire que ça raconte, c'est toutes ces choses-là. Et qui adorent aussi ils collectionnent énormément de programmes. Il y en a, je savais même pas qu'il y en avait autant, tu vois. moi, je savais qu'il y en avait pour les grandes tournées et pour pour les tournées principales sur Paris, et puis après pour les tournées en province, on avait des fois pour la tournée hiver, la tournée été, mais je savais pas qu'il y en avait autant. Quand il m'a dit qu'il y en avait plus de 200, il y en avait presque 200, j'ai dit, quoi? Bah oui, il y en a autant. Et c'est pour ça, tu vois, j'en apprends encore tous les jours. Et c'est ça qui est bien avec ce groupe et avec cette chaîne, c'est que ça nous permet de rencontrer les gens et de pouvoir échanger là-dessus. Et puis, c'est mille d'informations. Et c'est ce qui me fait plaisir. Et c'est ce qui me motive à faire des vidéos et à continuer à échanger avec les gens. C'est vraiment ça qui me motive. Bah ouais. Et avec toutes ces rencontres que tu as pu faire, avec les vidéos que tu peux faire aussi, est-ce qu'il y a une pièce que tu aimerais avoir particulièrement? Je sais pas. Là, est-ce que c'est un disque? Est-ce que c'est un pass? Est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est quel objet? C'est quel objet et quoi donc? Là, à l'heure actuelle, là. On lance un appel carrément, là, carrément. Moi, ce que je collectionne, c'est essentiellement les vinyles, les 33 tours. J'aimerais avoir tous les originaux, en fait, de Johnny, mais français. Je ne fais pas les étrangers. Mm-hmm. Peut-être que j'y viendrai par la suite, une fois que j'aurai fait tous les français, parce que c'est aussi, et ça, le plaisir d'un collectionneur, c'est de chercher la pièce qu'il n'a pas. Bien sûr. Et après, une fois qu'il a tout, qu'il s'y fait, il va continuer à chercher quelque chose qu'il n'a pas. Donc, après, peut-être que je vais m'amuser à faire les variants. Chose, ouais. Comme il y a là par exemple, je pense à Roucle Barge qui a je sais pas combien de variantes de chaque vinyle, voilà, ou d'autres Phil Smith aussi qu'on a plein. Je veux dire, c'est peut-être qu'un jour j'y viendrai. Pour l'instant, c'est pas le cas. Là, à l'heure actuelle, là, il y a deux pièces qui me manquent et que j'aimerais beaucoup avoir. C'est le vinyle de Ce que je sais. Mm-hmm. Donc pas la réédition qui va sortir chez Hachette au mois d'avril. Moi, j'aimerais l'original. L'original qui était édité à 2000 exemplaires. Ouais, tout à fait. Et Waftab. C'est deux vinyles que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Voilà, parce qu'après, deux grosses pièces que je pensais pas avoir un jour, je les ai avec moi, c'est les deux guitares de Johnny qui sont sorties. Mm-hmm. La guitare de 2003, la Fender, et dont un modèle prototype de 84, qui est encore, celui-là, j'imagine même, je sais même pas qu'il existait. Et à la rigueur, je préfère avoir celui-ci que l'original. C'est celui-ci qui a servi à faire la guitare de Johnny qu'il avait sur scène aux Zine 84. Tiens, justement, donc, et t'as fait quelque chose avec cette guitare-là, justement. Absolument. Déjà, j'avais fait une vidéo pour expliquer aux gens ce que exactement, c'était cette guitare. Exactement, oui. Tu comprennes. Une vidéo qui avait bien marché, d'ailleurs, qui a fait 1500 vues, je crois. Ouais. Et là, pour le triste anniversaire, alors ça, c'est un mot que j'aime pas aussi, mais je sais pas comment appeler ça, tout le monde sait, l'anniversaire de la disparition de notre idole en décembre. J'ai fait une vidéo, en fait, où je reprends l'idole des jeunes, la version de 84. Les enfants du rock à la guitare avec cette fameuse guitare. Mais je me suis amusé à supprimer la guitare de Johnny avec un logiciel. Bon, c'est un peu chiant, c'est un peu dur à faire, ça prend du temps. Mais bon, après, quand on aime, on coupe pas, comme on dit. Et j'ai supprimé complètement la guitare pour laisser que la voix de Johnny et jouer par-dessus. Et ça va donner ça. Or, on va vous la diffuser un peu en fond sonore. J'en voilà. M'appelle l'idole des jeunes. Il en est la voix de Johnny, si c'est la version de famille, elle commence un peu plus tard sur le passage. Parce que, évidemment, ça commence par l'instrumental. Et donc, c'est un procédé qui est assez compliqué, mais qui prend du temps. Il faut supprimer les pistes, il faut aller dans les fréquences, pour supprimer les fréquences qu'on ne veut pas. Tout à fait. Après, essayer d'aplanir le son pour avoir le moins de résidus possible derrière et qu'on ait le rendu le plus propre pour avoir une exploitation derrière. Donc là, si on entend la version de Johnny chanter, on entend derrière, par un moment, on va y voir comme une petite nappe, un petit brouillard sur sa voix. Et j'ai pas pu avoir un résultat hyper propre. Oui, mais tu sais, toi tu le sais. Toi tu le sais, mais les autres ne le savent pas forcément, donc ils feront pas forcément attention. Bah, s'ils écoutent la version où j'ai mis avec ma guitare par-dessus, ils vont pas faire gaffe. Non, ils vont pas faire attention. Voilà, ça ira. Mais s'ils entendent que la version a cappella de Johnny, là on peut entendre les endroits, on va dire, où il y a des petits couacs. Je sais pas si tu l'as sous la main. Ah ben, ah je l'ai. Là, lance-moi donc, je te passe la voix a cappella et après. Ah oui, tu l'entends pas, toi, t'entends pas. Là, je te passe la version a cappella en ce moment. On va forcer le son un petit peu. Dans mon cœur, et dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je me suis. Donc voilà, donc là les gens ils entendent bien la voix de Johnny là, c'est ceux qui étaient dans le studio d'enregistrement, voilà, ils entendaient ça, ils entendaient la voix de Johnny dans ça, s'ils ont la musique. Et donc j'ai fait ça pour pouvoir poser ma guitare sur la voix de Johnny. C'est mon rêve, aurait été de jouer pour Johnny. Mais bien sûr. Ça, je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes. Je l'ai jamais rencontré. J'ai eu la chance de lui serrer la main deux fois un spectacle, qui est déjà très bien. Je suis pas mal plein. Mais c'est vrai que j'aurais aimé jouer pour lui. Et puis on va dire, grâce à la technique et la technologie d'aujourd'hui, on peut arriver à faire certaines choses. Mm-hmm. En fermant les yeux, ça donne l'illusion. Bien sûr. C'est comme moi, hein, vouloir chanter un duo avec Johnny. Bon, après, il faut le travailler. travailler ça. Merci. On va écouter ta version, hein, donc la voix de Johnny Hallyday avec ta guitare, avec la fameuse Ibanez FG100, hein, ouais, spéciale de 83. De 83. Moi, j'ai le prototype qui a servi à faire le modèle, c'est qui est sorti en série après à 50 exemplaires. Ouais. On écoute ça tout de suite, ta version. Bon, j'espère que tout va bien, hein, vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne. Mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Plus d'une fille souvent me guette, quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Et dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser, et le spectacle terminé. Oui, sans aller ailleurs. M'appelle l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie, et combien tout seul je suis, combien tout seul. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve notre idole. Lors d'un concert de Vélizy, c'était en 1982, Johnny chantait sous un chapiteau et c'était la dernière date de la tournée d'hiver 82. Oui, c'était en février. Ouais, ouais. Avec le titre, j'en ai marre. J'espère que tout va bien. Vous écoutez toujours l'émission Johnny de A à Z en compagnie de David Rico. Il vous voit pas, mais moi je le vois ce soir. Dernière nouvelle, reste au journal officiel. Je suis mort au moins trois fois, et je ne le savais pas. Il fallait m'inviter, je me suis fait un plaisir de venir pleurer. Comme je suis en pleine santé, je crois que j'ai dû ressusciter. Oui, il paraît que mes amours trois petits tours, que je suis milliardaire ou fauché. Mais faut que j'en parle à mon banquier. Ça dépend des journaux, je suis laid, je suis gros pour un idiot. Je ne veux plus d'écriteaux sur ma tête, sur mon dos, sur ma peau. Me faire passer pour ce que je n'ai jamais été, de m'afficher, de me cataloguer, et comme vous l'avez rêvé, je suis fou, je suis voyou, je suis drogué, je suis cinglé, choisissez. Je porte tous les chapeaux, ça dépend des télés, des radios. J'en ai marre que l'on invente ma vie. Sur l'antenne de RIG, un petit bootlegs évidemment, comme on aime bien écouter aussi dans cette émission Johnny de A à Z. David, tu es toujours là, tu es toujours là avec nous, donc je suis toujours là, je suis bien au poste. Ouais, il a pas envie de partir là, hein. Il se sent bien maintenant, ça y est, il se sent à l'aise. Il se sent à l'aise. Ah, ben, quand on est entre fans et qu'on parle de notre idole, automatiquement, ouais, c'est un vrai plaisir, quoi. Dis-moi, ça te manque. Ça peut durer des heures. Mais ouais, ça te manque les concerts, ça te manque l'attente dans les files d'attente, justement, le contact avec les fans que tu pouvais avoir lors des concerts, ou t'as été toujours, ou t'as eu des contacts, t'as eu beaucoup de contacts avec les fans? Justement. Ouais, j'ai pas mal rigolé avec pas mal de fans en attendant. Ouais. Des fois, on vient mis le temps d'une soirée, quoi, le temps de sympathiser dans la file d'attente et de passer un bon moment. Après, j'ai jamais eu réellement d'amitié qui se sont nouées, on va dire, dans les files d'attente. Mm-hmm. Ouais, j'ai fait des concerts avec des amis que j'avais rencontrés par rapport à Johnny, mais pas dans les files d'attente. Ouais. Mais il y en a pas que tu suis, voilà, particulièrement. Il y en a, c'est-à-dire, vous êtes quittés, mais c'était le temps d'une soirée, puis. Oui, voilà, parce que j'ai jamais vraiment noué de lien fort. À part, en même temps, j'avais pas créé le groupe à l'époque et j'ai fait qu'un seul concert après avoir créé le groupe. Mm-hmm. Donc, j'avais pas eu cette idée de, on va dire, de créer des liens et de ça, c'était pas venu. L'occasion, c'était pas présentée tout simplement. T'aurais fait ça, voilà, mais pas. T'aurais fait ça 5 ans plus tôt. Là, t'aurais retrouvé des personnes, t'aurais rencontré des gens. J'aurais organisé des trucs. J'aurais fait. Organiser des rassemblements pour monopoliser le premier rang, par exemple. ça aurait été drôle, mais non, mais au moins organiser quelque chose pour ne serait-ce que se rencontrer après. Bon, maintenant, le seul endroit, on va dire, où on pourrait se croiser et faire une rencontre, ça serait à des conventions de disques, je pense. Mm-hmm. Parce que, voilà, je veux dire, là, il n'y a pas d'événement qui se passe autour de Johnny qui pourrait me faire déplacer sur des kilomètres et des kilomètres. Là, il y avait ce qui s'est passé à l'Olympia là, pour la fameuse sortie du coffret, le film qu'ils ont diffusé, j'ai pas ressenti le besoin ni l'envie d'aller à l'Olympia pour voir ce film. C'est un choix complètement personnel. Mais après, voilà, sinon je vois pas d'autres événements qui pourraient. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui manque de rencontrer d'autres personnes par rapport à Johnny dans les salles de concert. Et ce qui manque énormément, surtout, bah, c'est le concert en lui-même. Voilà. Bien sûr. C'est Johnny. Ça, les concerts, là, normalement, là, voilà, d'habitude, Johnny, c'est tous les 2 ans qu'il fait une tournée, on va dire, à peu près. Là, on a passé ce délai. On a passé ce cap, et là, ça commence à manquer, là, ça manque. Hein. Ouais, on se dit, là, le manque, il arrive, parce que là, d'habitude, voilà, c'est... Quand on a pu parler que nous on a des activités par rapport à Johnny, comme moi pour la radio et comme toi pour les vidéos, pour le groupe que tu animes. C'est vrai que Johnny il est là tous les jours, on le fait vivre parce que justement on se replonge un peu dans dans tous les documents qu'il a pu nous laisser, dans tous les disques, dans tous les livres, dans tout ceci. Mais ce qui manque, voilà, on arrive toujours à le faire vivre, mais ce qui manque maintenant, c'est de le voir. C'est ça, c'est vraiment de le voir, c'est ses concerts. Tout à fait, parce que moi, au quotidien, pour moi, Johnny n'est pas mort. C'est ce que je disais. Il est tellement présent. Smith est parti, certes, mais pour moi, Johnny n'est absolument pas mort. Je tout le temps autour de moi, il est tout le temps dans ma tête, dans la musique, dans les choses. Bon, même si j'écoute énormément d'autres musiques à côté, attention. Bien sûr, c'est pareil. Je n'écoute pas exclusivement Johnny Hallyday. Non. Mais. Non, pour moi, Johnny n'est pas mort. Mais c'est vrai que là, le fait de les concerts, c'est là qu'on se rend compte qu'il manque quelque chose. C'est là. Le manque, il est là, à ce niveau-là. Et bon, après, c'est... Et là, faut trouver quoi. C'est sûr que ce n'est pas des sosies qui vont le remplacer. Et puis donc, même pour moi, j'irais même pas voir un sosie ou quelqu'un qui aurait un semblant de voix de Johnny. On ne donnera pas de nom. Vous savez tous de qui on parle. De Laurent Gérard. Oui, voilà. Non, de Yves Lecoq, je parlais. Voilà. Après, qu'est-ce qui pourrait recréer ça? Je sais pas. À part diffuser des vieux concerts sur des écrans géants, je sais même pas si ça pourrait faire quelque chose. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des manifestations un peu à gauche, à droite, qui se font aussi bien dans des églises. Alors, je parle pas uniquement que de la Madeleine, hein, parce que ça se passe aussi ailleurs. Hein. Il y a des personnes qui s'occupent de ça, qui ont fait des associations où ils font des activités sur Johnny Hallyday. On sait qu'au mois de juin, il y a une association, c'est le Grand Rassemblement qui font ça aussi, une manifestation sur Johnny Hallyday. Après, il faut trouver le petit truc en plus ou le truc différent qui permet de renouer. Mais je sais pas. Moi, je sais pas. Mon rendez-vous, c'est le mercredi soir, voilà, avec tout le monde sur RIG pour l'émission. Voilà, tout à fait. Après, chacun vaut midi à sa porte. Il y en a qui vont prendre du plaisir à aller voir des sosies. Ok, je peux l'entendre. Il y en a qui vont aller se sustenter avec le fameux JB. Je mets des guillemets, attention, Jean-Baptiste. Ouais, c'est... mais là, c'est énorme. Moi, je peux pas. Après, je vais pas frapper sur une ambulance. Il y en a déjà plein qui ont tapé dessus. Mais moi, je peux pas. Je peux absolument pas. Déjà, avant ça, il y en a qui disent, ouais, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Il a rien à prouver. Il a pas attendu. Je m'en carre l'oignon. Ça fait 10 ans. Moi, je le connaissais aussi il y a 10 ans. Je supportais pas ce type-là. Je supportais pas. Et en plus, quand on voit le comportement un peu de ce type qui veut forcer à vendre ses casquettes et ses t-shirts à des gens, même par Facebook, des gens qui m'ont envoyé des messages et des captures d'écran, c'est impressionnant, quoi. Bien sûr. Je suis sûr que c'est même pas lui, c'est qu'il doit y avoir une boîte de prod. Maintenant, il doit même plus gérer sa page Facebook, ce type-là. Il suffit que quelqu'un mette un commentaire sur sa page, il se retrouve avec un message tout de suite instantané, puisque t'es fan de machin, achète ma casquette et mon t-shirt. Et voilà, bon, après, si ça fait du bien à certaines personnes, tant mieux leur face. Moi, je préfère rester avec mes vinyles d'origine, mais bien sûr, mes DVD. Et puis voilà, j'attends maintenant les coffrets, les choses inédites que Universal nous a promis. Là, il y a dans les commentaires, il y a quelqu'un qui demandait quand est-ce qu'allait sortir le coffret Beggar Rotondi. Oui, toi, tu en sais plus que moi. J'en sais pas plus que certains là. En tout cas, ce que je peux vous annoncer, ce qu'on peut dire, c'est que apparemment, parce que c'est repoussé, on l'attendait déjà en juin 2019, oui. On l'attendait. Après, ça a été repoussé au mois de décembre 2019. Là, ça va être repoussé donc au mois apparemment, hein, je dis encore, hein, on parle toujours au conditionnel, hein, en avril 2020. Hein, ce serait ça. Je connais pas mal de choses dessus, mais je ne dirai rien. Je suis gardé au secret. Ouais, mais on sait ce que c'est. Ne m'envoyez pas de messages comme ça, je ne dirai rien. Je sais tout, mais je dirai rien. Non, voilà, oui, après, apparemment, en avril, donc, apparemment, ça va être envoyé donc, pour les publications, les sous-presse et compagnie, donc pour la fin du mois de janvier. Voilà, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y aura une émission spéciale, donc Rivière ouvre ton lit, avec la participation de Jean-François Chenu, qui viendra parler donc de cet événement-là, parce que l'album fêtait ses 50 ans en 2019, là il aura 51 ans, malheureusement, voilà. Hein. Et est-ce qu'on va s'attendre, parce qu'on va parler après des prochaines sorties, est-ce qu'on va s'attendre à ce que maintenant Universal sorte tous les albums ayant 50 ans, qui vont fêter leurs 50 ans chaque année, donc là on peut s'attendre cette année à vie, hein. Il y en a qui s'attendent à l'album Vie. L'année prochaine, ce sera l'album Flagrant Délit. Après, ce sera Country Folk Rock. Est-ce qu'ils vont arriver à garder ce rythme-là? Est-ce que parce que là, il y a plus de surprise, en fin de compte. Il n'y a pas de surprise. Si on continue à faire tous les 50 ans, il n'y a pas de surprise. On sait pertinemment qu'on aura autre chose. Le problème, c'est que, si on attend les 50 ans de Cognac, Oui, c'est ça. Oui, voilà. Moi, je serais plus là. Je serais plus là. Il y a une grosse partie des fans, malheureusement, on n'est pas éternel, quoi. Voilà. Donc, grosse partie des fans, une grosse partie des acheteurs qui sera plus là. Et puis, il sera meilleur. Et tout dépend le contenu qu'ils vont nous proposer. C'est tout ça aussi, voilà. Si on parle de Cadillac, par exemple, on peut s'attendre à quoi? Une autre version d'un Versi 90, une autre capture. Ouais, ou alors une version de La Rochelle, de Francis, par exemple, oui. Je sais pas, on peut. Il y a tellement de choses. Ils ont tellement sous la main. Ils peuvent faire, déjà, par exemple, un truc, moi, qui me révulse, c'est, je comprends pas pourquoi ils attendent pour nous sortir de Versi 2003. Oui. Voilà, c'est des choses comme ça. Regarde, là, ils nous ont sorti, et dans le coffret Olympia, l'Olympia 72. Et ils ont retravaillé le son. Bon, ils ont retravaillé comme ils pouvaient. Parce que la qualité, la dernière fois, je l'ai encore réécouté au casque. Mm-hmm. Au casque, c'est dur d'écouter quand même, hein. Ça perce les tympans, quand même. Oui, au bout d'un moment, oui. T'as envie d'enlever le casque, tout à fait, oui. Faut pas écouter au casque, je crois. Mais bon, on va pas cracher dans la soupe non plus. C'est quand même bien qu'ils aient enfin sorti ce live. C'est officiel, on va dire, voilà, c'est une sortie officielle. Bon, même s'ils ont fait, par contre, un mauvais travail sur l'Olympia 61. Mmh. Là, j'ai pas compris. Quand on a vu la version pirate qui prennent, qui sont de meilleure qualité. Je suis d'accord. Comparé à celle que j'ai et puis la version qu'on a entendue, il y a des différences. On entend le CD qui frotte alors que ça n'a rien à voir. Ça fait du. Voilà, que sur certaines versions, il n'y est pas, on n'entend pas du tout ça. Donc ils ont eu un mauvais document sonore dès la base, et ils auraient dû le comparer avec d'autres documents sonores. Pourtant, hein, ils ont pris. J'ai l'impression qu'ils ont un peu fait ça à la hâte. Alors, est-ce que ça a été fait à la hâte? Oui, c'est ça. Hein, on peut se poser cette question-là. Est-ce que ça a été fait à la hâte? Parce que il y avait les vieilles canailles, il y avait toutes les sorties qu'on nous a proposées. Le Johnny, on va dire, le Johnny, comme vous l'avez jamais entendu. Il y a eu les vieilles canailles qui sont sorties. Donc Universal a fallu qu'ils réagissent. Donc ils ont sorti l'Olympia. Il y a le fameux un soir en Olympia. Donc il a fallu préparer ça. Je pense que ça a été fait un peu à la va-vite et puis avec un peu ce qu'on avait sous la main. Pour moi, ils ont fait absolument n'importe quoi sur cette fin d'année. On avait fait des calculs, je me rappelle, avec les membres du groupe, et on était arrivé à entre septembre et décembre, on était arrivé à plus de 2000 euros de sortie. De tout ce qui sortait sur Johnny, entre les livres, les machins, les ceci et cela, on arrivait à plus de 2000 euros. Mais bon, ça, on sait très bien que c'est du commercial, tout ça. C'est pour les fêtes de Noël. C'est très bien. Tout va s'acheter pour Noël. Mais même eux, les commerciaux de chez eux, ils réfléchissent deux secondes. Ah ben non. Les mecs, ils sortent tout en même temps. Ils savent très bien que ça va pas se vendre. La preuve avec leur coffret Olympia. À la base, il était prévu uniquement sur le site Diffy Music. C'est ça. Et maintenant, on l'a quoi? On l'a partout. On l'a sur la Fnac et Amazon. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est pas vendu. Il s'est pas vendu. Puis donc, ils ont été même affichés sur ces sites-là, sur le e-commerce. Ça a été affiché avant le 1er décembre. En plus. Bah oui, parce que moi, à la base, je l'avais réservé à la Fnac, moi. Avant même qu'il y avait même pas le visuel. On savait ce que c'était. Il y avait marqué coffret 14 volumes, 14 disques. C'est ça. Pour 7 volumes, 14 disques pour le coffret gagné. Alors déjà, il y a des couacs dans tous les sens. Ils se sont précipités et ils ont sorti beaucoup trop de choses en même temps. Beaucoup trop de choses. Dont le coffret des vieilles canailles, on l'attendait. Mais je pense qu'il a été un peu fait vite aussi. Ils auraient dû faire quelque chose avec 2014 et 2017. Ils auraient dû cumuler les deux, je pense. Parce que là, c'est... Bon, après, il n'était pas cher. Franchement, le coffret, pour 68 euros, on avait tout dedans. Là, on va pas non plus encore râler pour ce truc-là. Là, ça va. Après, il y a l'album Johnny qui est sorti aussi. Enfin, l'album symphonique. Oui. Moi personnellement, j'ai pas aimé. Après, il y en a qui ont adoré, qui ont trouvé, qui redécouvraient Johnny, ceci, cela. Moi, j'ai trouvé que l'orchestration, c'était un petit peu du vol, parce que on l'avait déjà entendu. Il a repris toutes les orchestrations qu'il avait faites pour Johnny en live. Exactement. Et là, il y a que du symphonique. Et il y a des gens, ils ont été déstabilisés par ça, et je les comprends, parce que moi aussi, Johnny, c'est un rocker à la base. Johnny, bah, c'est une guitare, c'est de la batterie, c'est ceci, c'est cela. Et les versions dans lesquelles, à la base, ces chansons étaient enregistrées, Johnny chantait sur des versions rock. Donc, il a interprété sa voix pour chanter sur du rock. Et là, on se retrouve avec Johnny chantant sur du symphonique. Donc, en fait, il y a une dissonance entre la voix et la musique, personnellement, que je ressens, et que je ressens très, très fort, par exemple, sur la version de L'Envie. Johnny s'arrache les tripes, il s'arrache à chanter, et la version derrière est molle. Il est vrai que sur une version symphonique, on aurait mieux posé la voix que de la pousser railleuse. Et tout à fait. Et oui, donc pour moi, il y a cette dissonance-là qui fait que cet album, j'ai pas du tout rejeté. D'ailleurs, je ne l'ai pas, cet album. Tu l'as pas du tout? Rien du tout. Je l'ai pas du tout. Rien. Rien. J'ai pas le CD, j'ai pas le vinyle. Moi, je me suis contenté que du CD. Voilà. Ah non, moi, je l'ai pas. Il y a un ami qui m'avait envoyé la version. Comme ça par MP3, pas par MP3, mais qui m'avait envoyé et j'ai pas accroché, c'est pas mon truc. Il s'est très bien vendu, mais on sait aussi pourquoi il s'est très bien vendu. Il y a 5 versions différentes. Bien sûr, oui. Les fans hardcore, ils ont acheté les 5 et on sait qu'il y en a entre 70 et 90 000 fans vraiment grosse base très forte. T'as déjà 300 000 CD vendus. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, il y en a aussi qui déballent pas. Donc, ils achètent en double. Il y en a un qui ouvre et l'autre qui garde sous blister. Bien sûr, il n'y a pas longtemps, il y en a un qui l'a ouvert, il m'a envoyé une photo, il me dit « Tu savais qu'il y en avait un qui était or et l'autre qui était noir ?» Ben oui. Mais évidemment, c'est le premier qui est sorti. C'est vrai que des fois, je m'interroge, je me demande comment ils profitent de leur collection. Mais c'est ça, oui, c'est vrai. Je me demande comment ils profitent de leur collection. Ok, ils l'ont, il est rangé dans une étagère, mais ils n'ont jamais vu l'intérieur, ils n'ont jamais senti l'odeur du livre, ils n'ont jamais défait les pages, ils n'ont jamais lu les petites... Du coup, en fait, il ne pourrait y avoir aucun CD dedans. Bien sûr. Parce que des fois, c'est arrivé. Moi, j'ai des coffrets, par exemple, j'ai le coffret des premières années au cinéma de Johnny. J'ai deux fois le même DVD dedans. J'ai deux fois les Parisiennes. Merde, mince. Et je sais qu'il y avait eu des erreurs comme ça dans le coffret de Johnny Story. Il y a des gens, ils avaient deux fois le CD23. Oui. Il y a des gens, ils ne le savent même pas. C'est vrai, il n'y a pas de CD dedans. C'est un peu dommage quand même. Bien, mais on va faire une petite pause musicale, encore une fois. On va écouter John Hayder en 1970. Mais justement, on parlait de l'album Vie qui peut-être qui fête ses 50 ans cette année. Et est-ce qu'il va sortir? Parce que donc, je pense que Universal va peut-être accélérer le mouvement hein, des livres disques. Hein, c'est ce que me parle Jean-François Chenu. Hein, il me parle qu'en principe, il devrait accélérer. Il devrait y avoir à peu près 2 ou 3 livres disques par an. Donc, espérons que ce livre disque Vie verra le jour avec quelques surprises, hein. Par exemple des petits concerts que nous on écoute en bootlegs. Eh oui, tout à fait. Un petit enfin, pompe à caresse, un petit truc comme ça, je sais pas moi. Là, en plus, on sait qu'ils ont signé un accord avec Europe 1. Oui, tout à fait. Donc maintenant, on va avoir accès à d'autres archives comme ça, bien sûr, on va avoir droit à ça. Allez, un extrait, on va s'écouter Dans ton univers, et après on partira en live du côté de Bercy. C'était en 1992. Mais de suite, voici Dans ton univers, John Hayder, en 1970 sur l'album V. Et vous écoutez toujours Johnny de A à Z avec David. Dans tes yeux, une ombre au loin se déchire et s'enflamme dans le froid. Au fond de la nuit, ta voix qui s'étire me pénètre de ses doigts. Pas. Tu sais, tu as besoin de moi. Et là-bas dans ton univers, où tu resteras prisonnière, il y aura toujours des frontières. Et un jour, et un jour, tout s'écroulera. J'ai abandonné un éclat de rire pour une étoile de roi. Ce monde frémit et tu as beau dire que rien ne m'en restera. Tu sais, tu as besoin de moi. Et là-bas dans ton univers, où tu resteras prisonnière, il y aura toujours des frontières. Et un jour, et un jour, tout s'écroulera. Le soleil partout s'illumine, un océan gronde en moi. Mon cœur s'évapore et je m'imagine naviguant. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny Hallyday en live à Bercy en 1992. Et ben on reste en gros sur l'album Riderez-vous au Fauton-Lit, toujours le thème de l'album que l'on attend pour le mois d'avril. Voici Voyage au Pays des Vivants. Écoutez, je suis, on discute tous les deux, et puis donc j'ai perdu le fil de la. on disait ce qu'on allait faire, ce qu'on a encore de quoi parler, encore pour au cours de cette émission de la des trois heures qui nous restent à passer ensemble. Trois heures encore ensemble. C'est ce que tu m'as dit, hein. Ouais, j'ai dit ça. Je m'en souviens pas. Non, je m'en souviens pas du tout. Ah, dis-moi un peu, tu m'as parlé de cette chanson-là. Pourquoi Voyage au Pays des Vivants? Eh ben, parce que, en fait, là, il y a quelques temps, je crois, 4 ans à peu près, j'ai fait une reprise de cette musique sur ma chaîne YouTube où j'ai repris tous les solos, en fait, de Nono et de Thibaut, en fait, la chanson entière. Et je poste la vidéo et. Un, deux jours après, je vois un petit commentaire parmi les autres qui m'a fait un peu plus plaisir que les autres parce que, on va dire, c'est, on s'attend pas à le voir. C'est Thibaut Abriel, le guitariste de Johnny en personne, qui m'a dit que c'était super, quoi. Alors, quand tu vois ça, tu fais, bah merde, quoi. Genre, t'as le guitariste de Johnny qui te dit, c'est pas mal ce que tu fais, quoi. Alors que tu reprends les choses que lui, il a fait, quoi. Genre, bien sûr. Là, c'est génial. Là, tu dis, quand t'as un mec comme ça qui dit ça, genre, bah, ça fait vraiment plaisir. Surtout que je l'avais rencontré, Thibaut Avrial, en 2010. En 2010, dans un magasin de guitare à Paris. Je venais de m'acheter une guitare, une Gibson. Et je le croise dans un magasin d'ampli, en fait. Et je le vois, et du coup, je dis, bon, je vais l'aborder, je vais voilà. Je dis, excusez-moi, est-ce que je peux faire une photo avec vous? Et il me dit, bah, pourquoi? Je dis, bah, parce que je vous aime bien. Il fait, ah, bah, ok, d'accord, et tout. Et puis après, il fait, mais tu me connais d'où? Et je dis, parce que je suis fan de Johnny et tout. Et puis voilà, je fais de la guitare, et voilà, je vous connais, machin et tout. Et j'ai parlé pendant un quart d'heure, 1 minute avec lui, mais après, il est rentré dans le magasin avec moi, on a joué de la guitare un peu, il m'a montré 2-3 plans de guitare, j'ai un mec, mais adorable, mais d'une gentillesse, comme Norbert Rieff aussi. Ouais. J'avais croisé à sa dédicace qu'il faisait pour la sortie de son album solo, 2011, je crois, ouais, de souvenir, quelque chose comme ça, à Gilbert Joseph à Paris, je crois. Je vais le voir pour faire la dédicace, et les mecs, ils venaient se faire dédicacer leur album de Trust, tu vois, et moi, j'arrive avec l'album, le sien, quoi. Ouais. Et du coup, il était content. Ah, oh, super et tout. Il dit à le chanteur qui était là, il dit, enfin, il y en a qui ramènent l'album, quoi. Et avec mon frère, on a parlé pendant, ouais, un bon 10 minutes de tout et de rien et tout. Et je lui ai demandé, ouais, pourquoi t'as arrêté de jouer avec Johnny? Il me dit, bah, c'est pas moi qui ai arrêté, en fait. Il dit, c'est Johnny, il a voulu renouveler ses musiciens, ouais, en fait, pour avoir un nouveau son. Donc, voilà, c'est ce que Johnny faisait tout le temps, c'est-à-dire renouveler pour pas tomber à chaque fois dans la même rengaine. Voilà, c'était renouveler son son. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais il est toujours resté en très bon terme avec Johnny. D'ailleurs, il l'accompagnait souvent sur des plateaux télé. Et même si c'était pour jouer en playback, c'est ce qui était dommage. C'est ce qui était dommage, parce qu'il était sous-exploité, un guitariste exceptionnel. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Au moins, il a quand même continué à accompagner Johnny de temps en temps, même sur scène, de temps en temps. Moi, c'est la période que je préfère, musicalement parlant, de Johnny. Au niveau des solos de guitare, la période 89, enfin 88, jusqu'à 93, 94, là, j'adorais ce son hard rock. Mm-hmm. En fait. Bon, c'est vraiment, dans les solos, on sentait qu'il y avait une patate dans les solos, là, qui était, qu'on n'a pas retrouvé après. Mais bon, après, ça s'adaptait aussi avec la voix et le tempérament de Johnny aussi pour la suite. Quoi. Exactement. On ne peut pas continuer à faire des solos comme ça en 2012 et 2014, parce que c'est pas possible. Ça collait plus avec l'esprit. C'est ça. Et ta période préférée de Johnny, alors? C'est vraiment cette période-là ou Ça, c'est musicalement parlant pour musicalement les lives, on va dire. Ouais. C'est au niveau de la hard, tu vois, parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs choses qui se mélangent. Tu vois, je t'ai dit, mon concert préféré, c'est la saison 84, c'est pour un ensemble de choses. Mais musicalement, au niveau des solos, là où je m'éclate le plus, c'est la période Nono, Thibaut et aussi Hugo Ripoll. Il faut pas oublier Hugo Ripoll aussi, c'est un excellent guitariste. Exactement. Mais sinon, après, moi, la période, vraiment, on va dire, on va brasser large. Moi, mes 30 glorieuses, pour moi, de Johnny, c'est 70-84. Tout cumulé. Moi, c'est mes 30 glorieuses de Johnny. C'est vraiment la période que j'affectionne le plus. C'est la période aussi dans laquelle j'ai été bercé aussi. Je pense que ça joue avec ça. Bien sûr. Les gens qui adorent à fond la période avant 65, moi, qui est une des périodes, pas que j'aime le moins, mais que j'écoute le moins. Il y a des très bonnes chansons là-dedans, c'est sûr et certain. Mais c'est une période que j'écoute le moins parce que c'est pas mon enfance, c'est pas tout ça, j'ai pas vécu ça. Moi, je comprends tout à fait les personnes qui ont découvert Johnny en 62, en 63, pour eux c'est la meilleure période, c'est normal, ils l'ont vécu, ils ont découvert le rock and roll comme ça. Donc, c'est normal que pour eux ça soit la période fondatrice de la chose. Moi, j'ai pas ce ressenti là. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un mélange de sentiments, en fait, par rapport à tout ça, c'est plein de choses qui se mélangent. Des souvenirs de concert, alors. Donc ton premier concert, c'est 1998. Ouais, tout à fait. Après, j'étais voir au parc de Sceaux en 2000. Ouais. Mais j'étais assez loin, mais c'était un bon concert quand même. Après, là où j'ai vu pour la première fois de près, c'était à Bercy en 2003. Mm-hmm. C'était le lundi que j'avais été. Je crois que c'était le 15 décembre, si je dis pas de bêtises. Et déjà, c'était pas prévu que j'y aille à ce concert. C'était une amie à mon frère qui devait y aller, mais sa fille était malade, elle a pas pu y aller. Et du coup, mon frère a dit, bah, tu veux venir? Tu bah, écoute, oui, moi, je vais pas à l'école, j'en ai rien à foutre. J'étais au collège encore à l'époque. Je vais au concert. Et j'ai fait ce concert, c'était super. Je suis ressorti. On avait attendu de 14h jusqu'à 20h. Enfin, 19h, l'ouverture des portes, j'ai chopé une pneumonie derrière, c'était en plein décembre, j'avais juste une veste en cuir, un t-shirt, c'était une catastrophe, mais le concert était magnifique. Après, les souvenirs de concert, Chaque concert a son petit truc, mais ce que je vais garder plus en mémoire, vraiment ce qui va rester gravé, c'est Nice, le 3 octobre 2015. Il y avait la tempête dehors, il y avait la pluie, et tout. Malheureusement, il y a des gens qui ont perdu la vie ce soir-là à cause des inondations. Nous, on était dans la salle de concert, on se rendait compte de rien. Et la veille, j'avais déjà vu la première de la tournée, mais j'étais dans les gradins avec mon beau-père. Et je vois que Johnny descend sur quelque chose de Tennessee et puis il fait tout le premier rang. Et moi, je me dis, putain, mais demain, moi, je suis en fosse or. Faut que j'essaye de me caler au premier rang. Faut que j'essaye. Et j'arrive à me caler pile poil, premier rang, enfin quasiment premier rang, côté gauche, là où Johnny descend. Bon, je me rappelle, il y avait un père de famille, et un père d'une quarantaine, à 45 ans avec sa fille, et je lui dis à l'oreille, je dis, oui, sur quelque chose de Tennessee, Johnny, il risque de descendre. Est-ce que tu peux me faire une petite place pour que j'essaye? Le mec, il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème et tout. Il m'a même jeté un peu au premier rang pour que je puisse accéder. Là, c'est un rêve de gosse. Il y a Johnny qui se plante devant moi. Il était quoi? Il était un pas de moi. Et je lui tends la main. Il a, à mon avis, il a dû me voir hurler. Il a dû voir un malade mental, en fait, en face de lui. Il a dû voir un mec en train d'avoir les yeux tout rouges, injectés de sang, en train de crier son nom. Mais il m'a attrapé la main. Et il m'a souri en même temps qu'il chantait. Et ça restera gravé. Mais c'est là où j'ai vraiment eu un contact avec lui. Parce que l'autre fois, c'était après à Bercy, en novembre de la même année. Mm-hmm. Et je lui ai juste attrapé le poignet. En fait, ouais. Il est venu serrer la main à ma mère, mm-hmm. en fait. Et moi, je lui ai attrapé le poignet. Mais là, à Nice, c'était vraiment pour moi, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le truc. Et toi, sinon, ça serait quoi ton souvenir de concert, quoi? Souvenir de concert, après, je crois qu'il y a qu'une seule fois, hein. Évidemment, je suis pas très téméraire, mais j'ai une seule fois, j'étais à la barrière, c'était en 2007, lors du Flashback Tour, la dernière date de la tournée, c'était à Toulouse, le 3 mars, où, à un moment, quand il chantait Derrière l'amour, il était, pof, en plein devant moi, en hauteur, il était sur un des côtés de la scène, et je l'ai retrouvé, donc, pile poil en face de moi, et puis en train de... En gros comme s'il me chantait la chanson en face. Voilà, après, c'est des souvenirs comme ça. Après, c'est d'autres souvenirs aussi, comme du genre le Parc des Princes en 93, où j'y suis allé avec... je venais de me faire opérer un mois auparavant du genou, hein, j'avais rupture des ligaments croisés, et donc je suis allé au Parc des Princes, même ma place, je l'avais réservé donc un an auparavant, et accident ou pas, je suis allé quand même, hein, avec une béquille, et puis t'avais un con qui était sur la pelouse, en train d'agiter sa béquille en l'air, et je me souviens d'avoir vu ma béquille sur les écrans. C'était comme ça. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. C'est vrai que après sélectionner un souvenir, d'autres souvenirs après, non, je sais pas, il y a les Francofolies de 2015 aussi qui ont été très bonnes également, je m'en souviens. Voilà, il y a chaque concert a son petit souvenir, voilà, comme une tout fois à fait. Je me souviens une fois aussi à Bordeaux, il était passé à Bordeaux en 92, j'étais dans les gradins, et puis dès que j'ai entendu Gabriel, j'ai dit ciao, j'étais venu avec ma mère, j'ai dit ciao maman, et puis je suis descendu en bas. Je suis descendu de suite en bas, j'ai filé en bas, et donc je me suis retrouvé dans le parterre aussi, au plus près de la scène. Il y a plein de trucs comme ça, quoi, voilà. Chaque concert a sa particularité, a un petit souvenir précis, en déterminer un, voilà, comme toi, là, je pense, voilà, le Nice, où tu le touches vraiment, là, oui, c'est un concert qui est plus marquant qu'un autre. Ah oui, il y a un échange de regards, il m'attrape la main, enfin, il m'attrape le bout des doigts, là, bien sûr. Là, évidemment, c'est tout. Il avait les mains glacées. Il avait les mains glacées. Je me rappelle de ça, moi, j'ai dit, putain, j'ai une chaleur, enfin, nous, c'est normal, on était serrés les uns contre les autres comme des sardines, il faisait une chaleur incroyable. Et lui, il avait les mains glacées, quoi, je veux dire. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué. Et pour après avoir échangé avec d'autres fans qui l'ont rencontré, ils m'ont tous dit la même chose. Il avait les mains glacées, quoi. Genre, c'est impressionnant, quoi. Ouais, ouais. Il dégouline à fond, il perd la mort, ouais. Mais mains glacées. Ça, c'est quelque chose qui me marquait quand j'étais gamin, bah, justement sur le live du Zone 84. Je me disais, mais il perd combien de litres d'eau par concert? C'est ça. C'est impressionnant. C'est, voilà, mais c'est génial, quoi. C'est tout ce qui nous a fait vivre et tout ce qui est. Et on a la chance d'avoir un héritage musical de sa part, mais immense. On se rend pas compte en tant que fan. On a la chance d'avoir un héritage musical, sûr, tout ce qu'il a fait, sûr. Tout ce qu'il nous a laissé. On a une chance, mais incroyable. Plus de 50 albums, c'est incroyable tout ce qu'on a. C'est très des heures et des heures de vidéos, de je ne sais pas vraiment, voilà, je ne sais pas vraiment quel artiste pourrait avoir une discographie aussi, on va dire proéminente, aussi, voilà, aussi intense, aussi, oui, aussi prolifique, tout à fait. Je crois qu'il n'y a aucun artiste. Je n'ai pas vu d'équivalence chez d'autres artistes au niveau des coffrets, ne serait-ce que des coffrets sortis comme ça. Il y a certains artistes qui ont sorti des très beaux coffrets, bien sûr, des intégrales, des choses comme ça. Mais autant, non. Ah ben, non, déjà, autant de titres, non, c'est un seul artiste, oui. Parce que je collectionne beaucoup de vinyles, pas que Johnny, je collectionne énormément de choses à côté. Et j'ai beau chercher, même si je vois même les Beatles, Elvis, les Stones ou des choses comme ça, ils ont pas de coffret de 276 CD. C'est pas sorti. Du moins, soit ils ont pas eu l'idée ou quoi que ce soit, mais c'est pas sorti. Ouais, c'est pas sorti. Je pense pas que tous leurs albums ont été réédités en je sais pas combien de versions avec juste la pochette qui change juste pour faire du chiffre. Enfin, je pense que vraiment Johnny à ce niveau-là, les fans, voilà, c'est la poule aux œufs d'or, quoi. Genre, c'est les maisons disques qui se frottent les mains et ils en profitent aussi, malheureusement. Bien sûr, ils en profitent aussi. Et encore. Rien qu'à voir. Le dernier album Johnny, là, comme on disait, là, il y a trois versions vinyles différentes, couleurs qui changent. Bon, toi, t'en as pas acheté, mais moi, j'en ai acheté qu'un. Donc, voilà, on est des mauvais canards. Là. Ah bah, oui, on est des mauvais canards. Bah, pour certains fans, là, on n'est pas des vrais fans. Voilà, là, c'est. Moi, j'essaye d'être un fan objectif. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis j'essaie de le souligner aussi pendant les émissions. Ouais. J'essaye. On va faire une petite pause musicale. On va écouter John Hader en 1977 avec C'est pas comme ça que tu l'oublieras. Et après on retrouvera Johnny également en live, évidemment, avec en souvenir du dernier concert que t'as pu vivre en 2015 avec Johnny Hader. Hein, ça sera avec sur la version de Hey Joe. Ouais. C'est le dernier concert que j'ai fait. C'est la dernière fois que j'ai vu Johnny. À Nîmes avec mon ami Christophe et ma belle-sœur aussi. C'était un super concert, c'était vraiment incroyable. Et encore rond comme une queue de pelle. Ah là, j'entends encore. Et encore raide comme un pendu. Mais non, je dis pas que t'es perdu, mais non, je n'ai pas parlé d'elle. T'es encore plein comme un potin. Encore beurré comme un petit lu. Mais non, je t'ai pas traité de coquille, je te jure, j'ai pas parlé du teint. Qu'elle était belle. J'ai encore cuit comme un œuf dur. Et encore gelé comme un coin. Je sais quand on a du chagrin, c'est pas facile de jouer les durs. C'est pas comme ça que tu l'oublieras. Viens, on va faire la route. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny aux arènes de Nîmes, c'était en l'an 2015, et avec le titre Hey Joe. Y'a pas le feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Qui m'attend chez moi, je le sais. Rien qu'un lit froid, sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, c'est le point. Hey Joe, le chômage rigole. Moi j'ai tant faute que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Je me permets de rectifier, parce que tu as annoncé Edjo 2015 à Nîmes, mais non, c'est 2016. Mais oui, c'est 2016, c'est marqué, mais là, marqué. 17 juillet 2016, exactement. Voilà. Mais malheureusement, le dernier concert que j'ai pu voir de Johnny. Voilà. Dernier concert. Qui était un concert magnifique d'ailleurs. Ouais. Dernier concert solo que j'ai vu de lui, c'était en 2016, c'était Boulazac, le 12 février 2016, à Boulazac. Et donc, il y a des témoignages de ma visite là-bas, hein. Vous avez des vidéos sur YouTube, de ce concert-là. Puis après, je suis allé le voir avec les vieilles canailles après. Mais les vieilles canailles, j'ai pas pu y aller. Il y a un ami qui voulait m'emmener à Rios, je venais juste de me casser le pied, en fait, et j'avais une attelle monstrueuse et des douleurs pas possibles, et j'ai pas eu le courage, et je regrette, mais bon, ouais, ça sert à rien de regretter, c'est fait, c'est bien sûr, ça, bien sûr. Mais j'en avais bien profité sur la tournée Restez Vivants, j'ai vu 8 fois, je crois. Ouais, oh oui! Ouais, j'avais vu 2 fois à Nîmes, j'avais fait la première et la deuxième. Mm-hmm. Et après, j'ai été le voir à Bercy, j'étais voir 2 fois à Marseille, mm-hmm. J'étais voir à Lyon, mm-hmm. Et puis j'ai terminé par Nîmes. Avec mon pote Christophe, c'était vraiment énorme. Quoi. On était au 3-4e rang qui jouait sur la droite de la scène. Et puis Johnny s'est éclaté sur scène. Johnny, il était à fond ce soir-là. Là. Pour ceux qui ont vu ce concert, j'ai vraiment vu une différence nette entre le premier concert, mm-hmm. et le dernier. C'est le premier, voilà, faut prendre les marques et des choses comme ça et tout. Je me rappelle qu'il y avait eu des couacs sur Gabriel et tout. Mm-hmm. Mais ça, on s'en fout, c'est ce qui rend le truc sympa. Je me rappelle qu'il avait même fini à cappella. J'ai pleuré sur la guitare. Parce que son micro avait merdé sur le dernier refrain. Et du coup, il l'a chanté derrière après à cappella. D'accord, ça, bien sûr. C'est tout sympa, ça, c'est génial, ces choses-là. Tu vois, les trucs un peu comme je me suis fait la réflexion hier encore, parce que j'ai déjà fait auparavant. Un concert, on va dire, quand tu vas voir un concert, ce qui est intéressant de voir, même si des dates parisiennes, même dans les dates parisiennes, c'est voir la première date, aller dans une date du milieu et aller voir la dernière date. Alors, si c'est un concert sur Paris, c'est intéressant de faire ça. Et même en tournée, c'est aller le voir au début, au milieu, à la fin. Comme ça, tu vois l'évolution encore. Tu vois que au milieu, au début, ben écoute, on n'est pas forcément prêt, hein, non plus. Tu peux toujours avoir des couacs. Au milieu, c'est bien, ça roule. Et puis la dernière date, c'est toujours là où il se déchaîne encore plus, ça s'éclate. Pour l'avoir fait une date de fin de tournée, c'est vrai que là, c'était génial. Ah ouais, c'était incroyable. Moi, je me rappelle, il s'était éclaté sur la Terre Promise et tout. C'était un truc de fou, quoi. Mm-hmm. J'ai vu un Johnny, vraiment, mais comme un gamin, quoi. Il s'est éclaté sur scène. Et en plus, c'était dans un contexte assez spécial. C'était quelques jours après les attentats de Nice. Mm-hmm. Et je me rappelle, après le concert, là, c'est Laurent là, qui a mis un message et ça me fait rappeler. Et c'est vrai que c'était assez émouvant. À la fin, on a tous chanté la Marseillaise. Et Johnny est resté sur scène, la main sur le cœur. Et c'est vrai que c'était un moment assez spécial. Quoi. C'était juste après un attentat assez sévère. Mm-hmm. Et nous, on était là à faire la fête. Quoi. Et c'est là tout le paradoxe. Quoi. Et puis, c'est la magie de la musique. Quoi. Et la magie de Johnny. Quoi. C'est le temps d'une soirée, il te fait tout oublier, il te fait passer un moment au paradis, quoi. Et donc, on revient aussi également pour les enregistrements, hein, quand on parle un peu de ces événements, de tous ces concerts-là qu'on a pu vivre, c'est pourquoi il n'y a pas eu de capture, ou sinon, de capture audio, je parle, ou même voire vidéo aussi, pourquoi ils se sont pas dit, on sait très bien qu'avec Johnny, on aura toujours du public pour ça. C'est ça. Il y aura toujours du public pour ça. Donc, pourquoi ne pas enregistrer, avoir pu enregistrer toutes les soirées, ou filmer toutes les soirées, il y a plein de trucs. Il y a pu faire plein de choses et puis nous proposer toutes ces variantes-là au lieu de nous faire poireauter alors qu'ils savent très bien qu'ils ont tout ça de côté. Surtout qu'ils font des fois des coffrets à tirage à 2000 exemplaires et ils sont vendus à une vitesse folle. Ils se font un concert comme ça à tirage à 2000, 3000 exemplaires, ça traîne sérieusement. Mais ça va, ce concert-là, on a la chance d'avoir un bootleg qui a traîné d'une qualité exceptionnelle. Je trouve même d'ailleurs qu'il est de meilleure qualité. Après, ça, c'est moi et mon ressenti, que le Restez Vivants en tour officiel qui est sorti, la captation de Bruxelles. Parce que je préfère nettement la version de Nîmes à la version de Bruxelles. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais symboliquement, Johnny a choisi Bruxelles par rapport aux attentats et compagnie d'eau. Mais je trouve la version de Nîmes largement au-dessus de la version de Bruxelles. Allez-y. C'est un avis personnel. Dites-le sur le réseau. Dites-le ouais, ce que vous en pensez, bien sûr. C'est comme Bruce Springsteen. Il y a une période, Bruce Springsteen, il y a 3-4 ans de ça, lors d'une tournée, eh bien, on pouvait aller, dès le lendemain, télécharger le concert que vous étiez allé voir. C'est-à-dire, en gros, je ne sais pas s'il avait fait un concert à Atlanta. Le lendemain, on pouvait aller télécharger le concert, moyennant finance, évidemment. Hein. C'était, je crois, l'ordre de $19 le concert. Mais tu pouvais télécharger la bande-son du concert que tu allais voir la veille. Metallica fait ça. Voilà. Et ça, c'est génial, Metallica fait ça pour chaque concert. Et oui, c'est moins cher. C'est 8 euros en MP3 et 13 euros en Wave. Voilà. Et ça, je ne comprends pas pourquoi en France. Alors, tu vas me dire, c'est Warner, évidemment. Ils n'ont pas eu cette idée-là, pourtant. Hein. Des grandes majors comme ça, comment ça se fait qu'ils savent très bien qu'il y a du monde. Il y a du monde qui attendent, qui peuvent le prendre, ça. Moi, je pense que j'aurais été sûrement le premier à avoir pris ça aussi. Ça ne coûte rien, surtout. À eux, ça leur coûte bien rien. Bien sûr. C'est tout bénef, parce qu'ils font aucun support physique, ils font que du dématérialisé, tu vas sur un site et tu télécharges le concert le lendemain. C'est ça. Et c'est tout bénef pour eux. Pourquoi personne n'y a pensé? Pourquoi de l'entourage chez Warner, pourquoi personne n'a pensé à ça? Ça, c'est des questions. Il y a plein d'artistes qui font ça le soir même. Là, il y en a qui disent, apparemment, Bertignac qui fait ça aussi le soir même. Tu peux l'acheter sur une USB. Et moi, j'ai des CD, par exemple, du guitariste Slash, le guitariste des Guns N' Roses. Il y a même des CD qui sont pressés le soir même. Et ils te mettent une étiquette, un autocollant du soir, du concert. Ouais, voilà. C'est unique. Et t'as le CD le soir même. Alors, c'est vrai que pour Johnny, ça aurait été magnifique d'avoir ça. Bien sûr. Bon, s'il y en a qui nous écoutent, des majors, je sais pas, Universal ou Warner qui nous écoutent, et bien, ou à la rigueur, les ingénieurs du son de l'époque qui auraient pu faire ça, je ne sais pas. Hein, mais, espérons qu'ils écoutent et peut-être qu'ils nous sortiront ça. C'est un peu tard, certes, mais ce serait bien d'avoir un souvenir du concert que chacun est allé voir. Ce serait super, ça. Voilà. Ce qu'on veut, c'est l'inédit et Johnny en live. Johnny en live, c'est le Johnny, c'est Johnny. C'est pas le live. Et c'est là où il est le meilleur, c'est là où il se met le mieux. Sortez-nous de l'inédit, ça va se vendre. Vous savez très bien que ça va se vendre. Voilà, en gros, ça va être le mot de la fin, David, de l'inédit. Nous voulons de l'inédit. Et puis donc, on n'hésitera pas à vous en parler tout au long de mon émission et puis tout au long aussi des vidéos de David. On se gênera pas pour vous annoncer les prochaines sorties et puis les critiquer et les commenter. Des bonnes ou des mauvaises critiques. Voilà, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoute, David, c'est avec plaisir d'avoir passé cette soirée avec toi. D'avoir discuté pendant près de 3 heures. Ouais, un plaisir partagé, vraiment, c'est super sympa, c'est vraiment très agréable et à renouveler si ça a plu aux gens. Il faut qu'il y ait toujours une première fois. Puis après, la seconde fois, ça passera encore mieux. Et puis tu verras que pour la prochaine fois, il y aura peut-être d'autres sujets qu'on va développer. Il y aura d'autres trucs. Ça sera une autre aventure. Et peut-être que tu seras en direct ici directement dans le studio. Donc peut-être. Peut-être qu'on fera une vidéo en même temps. Je sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent se passer entre temps. Donc des nouvelles technologies, tout ça, une téléportation. Je sais pas quoi. Moi, tout comme ça. Un hologramme. Voilà, un hologramme par exemple. Ouais, ça peut être bien ça aussi. On sait jamais. On va se quitter avec deux titres, David. Lesquels tu nous proposes? Tu t'en souviens? Alors, le cœur fermé. Ouais. Parce que ça encore, c'est pareil. Ça, c'est automatiquement, c'est quand pour partir qu'on n'est pas, c'est ma mère. Automatiquement, je revois ma mère tout de suite. Et l'autre, c'est le pénitencier, mais la version de 93. Parce que j'adore cette version. Nono fait un solo de guitare magnifique sur cette version et Johnny est toujours magistral comme d'habitude. Et donc voilà, je voulais écouter ces deux derniers titres pour finir cette soirée et remercier tout le monde de nous avoir écoutés. Oui, on vous remercie à toutes et tous. Et on se retrouve sur le générique de fin pour saluer une fois encore tout le monde. Merci encore pour avoir partagé cette soirée avec nous. Et on se quitte avec Le Cœur Fermé et Le Pénitencier. De mes chansons. levée, les yeux ouverts, le cœur fermé. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Dernier live de la soirée. Et dernière... dernier titre de la soirée également. Pour fermer cette émission spéciale Johnny Hallyday Collection avec David, voici le pénitencier Parc des Princes 93. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Comme d'autres galants ont fini. Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit contre Trichet. Ce qui se soit ne laissez jamais vos garçons. J'achève cette émission Johnny de A à Z avec mon invité David Rico du groupe Facebook Johnny Hallyday Collection. Et en même temps avec ces petites vidéos qu'on retrouve aussi, et bien aussi sur la chaîne YouTube qui s'appelle aussi Johnny Hallyday Collection. Oh, tout à fait, ouais, j'ai pas fait compliqué, j'ai le donné le même nom. Tu t'embêtes pas, toi? Oh non, pas à ce niveau-là. Merci. Et encore merci à tout le monde. Mais merci, on remercie tout le monde. Je te remercie, David, d'avoir fait confiance en même temps, hein, de participer. Parce que... Merci pour ton invitation. Franchement, c'est un grand plaisir. Ça fait plaisir, très flatteur aussi. Qu'on consacre une émission juste sur ce que j'ai fait. C'est super sympa. Ben oui, mais c'est plaisant, justement. Voilà, moi, c'est de l'audio. Toi, c'est de la vidéo. Donc, on se complète. C'est ça qui est intéressant également. Et puis vous aussi vous faites quelque chose de particulier, si vous serez peut-être un jour contacté et vous aussi vous serez aussi dans cette émission Johnny de A à Z. Merci encore David d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi d'avoir participé sur les différents posts, hein, sur aussi bien sur Johnny de A à Z que sur Johnny Hallyday Collection. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure Hallydayenne. Bonne soirée les filles, bonne nuit les garçons aussi. Gros bisous à tous, à bientôt, ciao ciao. Ciao ciao David, vas-y lance, t'as un message à passer, vas-y. Allez. Te gêne pas, lance-toi. Bah, sortez-nous des inédits Universal, voilà encore une fois. Et puis bonne soirée à tout le monde, bon courage à ceux qui travaillent demain. Et puis à la prochaine. À très bientôt, à toutes et à tous. Salut David, à bientôt hein, sur les réseaux. Hein. À bientôt. À bientôt sur RIG et dans l'émission Johnny de A à Z. À bientôt, ciao.